Bienvenue donc à Bulle de Rêve, vous êtes toujours sur Radio Libertaire 89.4, l'émission 100% cinéma d'animation qu'il restera tant que les autres émissions de cinéma n'en parleront pas de l'animation, donc voilà, on continuera à en parler, mais je vous promets que le jour où toutes les émissions du monde parleront du cinéma d'animation, on arrêtera de s'appeler Bulle de Rêve et on arrêtera de dire qu'on est 100% cinéma d'animation, on dira juste qu'on parle de cinéma. Je vous rappelle le numéro du studio, même si Florentine est loin, 01 43 71 89 40, 01 43 71 89 40, ce qui me juste fait rappeler que j'ai oublié de mettre mon portable sur vibreur. On dit ça, voilà. Toi, tu le fais pas. Ce qui est vraiment pas bien du tout. C'est parce que si Gilles Cuvelier écoute et qu'il décide de m'envoyer un SMS comme il l'a fait, il faut, voilà. Gilles, j'ai parlé de toi. Comme ça, au moins, voilà, c'est ça, c'est fait. J'essaierai de parler de Franck tout à l'heure, mais au moins, voilà, ça, c'est fait. Alors, donc, c'est bien Bulle de Rêve. Je voulais faire quelque chose d'un petit peu, voilà, ce qui changeait. Mais il y avait encore autre chose. À l'époque, Stock Still avait eu l'impression que l'homme avait quelque chose d'anormal. Il l'avait observé pendant les interviews à la télé, il l'avait écouté parler, débiter ses discours anticommunistes échevelés, et il en avait provisoirement conclu que Blufgeld éprouvait envers les gens une haine profonde, assez enracinée et généralisée pour qu'il souhaite, à l'un des niveaux de son inconscient, commettre une erreur, mettre en péril la vie de millions d'individus. Rien d'étonnant que le directeur du FBI, Richard Nixon, se fût élevé avec tant de force contre les militants anticommunistes amateurs des hautes sphères de la science. D'ailleurs, Nixon s'était alarmé bien avant la tragique faute de 1972. Des éléments paranoïaques ainsi que des illusions messianiques et une certaine mégalomanie avaient été mises en évidence chez Blufgeld. Nixon, bon juge d'homme, les avait remarqués, de même que bien d'autres personnes. Ce tout petit passage d'un livre qui s'appelle Docteur Blood Money et de Philippe Cadic, c'était juste pour dire que voilà, on avait eu la mauvaise nouvelle de début de l'année, c'est que Michel Gondry voudrait adapter visiblement Ubik. C'est une très mauvaise nouvelle. Michel, ne le fais pas, s'il te plaît. Il y a l'expo, faut continuer à faire les films que tu fais d'habitude, mais Ubik, non, on peut pas adapter Ubik, c'est quelque chose qui est impossible, et surtout pas toi maintenant. Donc merci beaucoup de transmettre. Je suppose que Michel Gondry n'écoute pas Bulle de Rêve, quoique il ferait bien. On lui dira. Mais voilà, merci pour Olivier. Voilà, ça serait bien de lui dire qu'il y a des fois des mauvaises idées qu'il faut mieux garder. Voilà, dans les mâles d'Hollywood. Donc aujourd'hui Bulle de Rêve en direct, grâce encore à elle, à Florentine Grelier. Merci Florentine qui a demandé à Gilou de venir et merci beaucoup à lui car Nicolas prend des vacances. J'aurais pas à dire, je sais. Et il a tout à fait raison et c'est normal, c'est très bien. Donc voilà, merci beaucoup. Ce qui fait que les 80 personnes qui sont autour de cette table pourront parler et ne pas rester dehors sous cette pluie absolument terrible. Trois voix que vous connaissez, trois voix que vous ne connaissez pas. Donc, on va commencer par les voix que vous ne connaissez pas. Enfin, que vous connaissez, que vous avez entendu. Pourtant, elle est très jeune, mais que vous avez entendu visiblement. Elle m'a dit, elle a fait absolument tous les présentateurs, présentatrices de Bulle de Rêve. Donc, c'est Juliette Loubière. Bonjour Juliette. Il faut que tu parles très fort. Bonjour. On a fait une espèce de rock and roll. Vous pouvez pas tout voir, mais en tout cas, c'était impressionnant. C'est très micro. Technique. On a Jérôme Périlla. Bonjour Jérôme. Enchanté. Et on a Morgane Fraschina. Bonjour. Yes. crois que c'est la première fois que je prononce bien son nom en 4 ans d'études que j'ai eu en élève. Donc je suis plutôt content, enfin. Et vous avez... Ils sont mis tous les trois à côté, une espèce de randonnion comme ça, de vieux de la vieille, qui sont venus. Marine Blin. Bonjour. Bonjour Marine. Donc Marine, vous l'avez déjà entendu plusieurs fois à ce micro, au moins deux fois, voire trois, au moins minimum. Florian Delporte, bonjour Florian. Bonjour Alexis. Voilà, celui de des Ursulines qu'on a reçu aussi énormément ici. Et là, vous allez entendre, et c'est pour ça que je calme ma voix et que là, j'essaie de prendre une voix suave pour essayer de lui faire un peu d'ombre. Olivier Catrin, bonjour Olivier. Bonjour Alexis. Voilà, vous avez cette espèce de duo, on croit un peu, espèce de Frank Sinatra et Frank Sinatra, c'est un peu comme s'il était double. Donc, et Alexander en guest, qui je suis sûr va venir à un autre moment et qui nous parlait, il connaît plein de monde. Bonjour. Et, voilà, un bel accent russe pour commencer. Et bien évidemment, pour commencer, pour éviter de me faire trucider par tous ces fans qui sont un peu partout dans la rue et qui me disent « Tu l'as pas laissé parler, elle ne parle pas suffisamment, elle a pas fait son agenda. » Rien pour vous, l'agenda de Florentine Grelier. Wow. Donc, l'agenda du 19 février au 26 mars, puisque dans notre prochaine émission, nous recevrons... Des nouvelles boucles d'oreilles, c'est tout mignon. En effet, j'ai des nouvelles boucles d'oreilles ici. Comment trouver quelqu'un qui va faire, c'est terrible. En direct, en plus. Toujours en direct, bien sûr. Donc, pour la prochaine émission, le 26 mars, on peut d'ores et déjà dire qu'on recevra Anne-Laure et Léo Daffy. Les donc, deux ? Oui. Bon, je ne sais pas encore si ce sera Anne-Laure ou Léo, mais un des deux ou les deux. Ça sera un peu la surprise. Mais... Est-ce qu'on recevra Marine Blin qui a travaillé sur leur film encore ? Tu as fait un raccourci. Anne-Laure, oui, Daffy, voilà, et Léo Marchand. Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement. Attention qu'on cuit. Ah, voilà, donc rectification. Donc, pas, d'accord, donc on les aura. Pour le 26. Super intéressant. Hey, voilà. Mais je fais n'importe quoi. Juste, j'ai commencé, j'ai oublié de dire qu'en fait, aujourd'hui. Dans Bulle de Rêve, nous allons faire un focus. Parce qu'en fait, on voulait faire carrément, on voulait parler uniquement de l'MK. Au départ, ça devait être l'MK avec Christian Arnaud, mais Christian, non, Christian n'est pas là dans le studio. Donc, en effet, il ne pouvait pas venir aujourd'hui. Donc, malheureusement, on ne fait qu'un focus, m'a bien dit Florentine. Attention, ce n'est pas un spécial MK, c'est un focus autour de Florian. Enfin, un focus autour de Florian et de lundi Anima lundi. Enfin voilà. Et des trois ours, où Olivier va nous dire où en sont les trois ours. Est-ce que ils ont créé des petits? Est-ce qu'il y a des petits oursons? Enfin, etc. Et il va nous dire ça après. Voilà. Et je suis désolé et je te promets après. Maintenant, je ne te coupe plus. Mais si, voilà. Si, j'ai noté. Il y a tu vas pouvoir intervenir. Quand faut que je râle, tu me le dis, tu me fais un signe et je râle. Donc, de toute façon, pour les projections, on commence lundi avec Anima lundi. Mais bon, je ne vais pas trop en dire puisque Florian va revenir dessus. Ce sera à 20h30 au studio des Ursulines et bon, ça parlera de l'MK, mais Florian en parlera plus. Je fais aussi un petit rappel pour dire que le jeudi 24 février, donc au Forum des Images à 20h, il y a la projection des courts-métrages présélectionnés au César du meilleur film d'animation. Mais ça, on en a déjà parlé, donc voilà, on va vite passer. Donc, pour les nouvelles choses, nous avons deux projections des Triplettes de Belleville au Forum des Images dans deux cycles différents. En fait, le vendredi 25 février à 16h30, ça sera une séance présentée par le réalisateur et Patrice Lecomte à l'occasion de l'événement Positif invite le cinéma français. Et on aura autre projection. Pardon, j'ai pas... Sylvain Chaumet, donc sera là pour présenter les Triplettes. Avec Patrice Lecomte. Et pourquoi Patrice Lecomte? Il a fait le scénario. Je pense que c'est en rapport avec Positif. Je crois que c'est Patrice voilà. Lecomte qui invite Sylvain Chaumet. C'est ça. C'est ça qui est bien avec Olivier Catrin quand on l'a dans l'émission, c'est qu'il sait tout. Donc il peut dire, et ce qui est surtout bien avec Olivier Catrin, et c'est là où c'est fort, c'est que même s'il sait pas, il va toujours trouver quelque chose pour dire, je sais, donc comme ça, donc voilà, mais faut toujours l'avoir. On aura des petits Olivier Catrin, vous savez, comme les mini-mi dans Austin Powers. On aura l'avoir un petit qui raconte sur notre épaule. Mais j'avais dit que j'arrêtais de te couper. Allez, bon, c'est un peu le grand écart, donc ça repasse aussi le samedi de mars à 15h pour l'après-midi des enfants, à partir de 7 ans. Les Triplettes de Belleville pour les enfants. À partir de 7 ans. Voilà, donc on continue pour, là encore un petit rappel, image par image, le festival du Val-d'Oise continue encore, et on a la clôture le 26 février, avec la projection du Vilain Petit Canard de Gary Bardine, des films d'atelier, des courts-métrages, et l'entrée est libre, donc il faut penser à réserver. Avec voilà. Florentine Grelier. Oui, enfin j'y serai, mais... Parce qu'à la fin, l'atelier, image voilà, par image, elle est fait. Trop modeste. Donc ensuite, on a l'avant-première de Symphonie Magique qui regroupe 6 courts-métrages de John Alas et Joy Batchelor. Donc dimanche 6 mars à 10h30 et à 11h30 au Nouvel Odéon. Voilà, c'est un événement organisé par l'Enfance de l'Art. C'est 5€ la séance et si vous arrivez vers 10h, vous aurez le droit à un petit-déj. Voilà, sur réservation. Voilà, pensez à réserver. Ensuite, au c'est mois de mars... Sort, on ne sait pas. Hein, pardon, on ne sait pas qui c'est ce qui sort ça, non. C'est un programme original qui a été monté pour l'occasion, en fait. Et c'est distributeur, c'est on sait pas. Ah, il y en a pas. Ah, d'accord, c'est uni, d'accord, c'est pardon. Pour, en plus, tu l'as dit, c'est sur le jeune. Juste à l'oublier de dire que c'était marqué dans son truc. On sait maintenant que c'est l'homme à la Gordini et Logorama qui ont été retenus. Oui, mais on a dit qu'on revenait pas sur les courts-métrages présélectionnés. Tu veux vraiment mettre ton grain de sel. Hein. Donc ensuite, toujours au Forum des Images, au mois de mars, dans le cycle Un monde de machines, on a des projections autour d'Hardman. Alors, bon, y a Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou, il y a les courts-métrages de Wallace et Gromit, et il y a Chicken Run. Donc j'ai pas forcément bien compris pourquoi c'était dans le cycle Un monde de machines, mais voilà. Bah, Chicken Run, ils font la machine. Oui, mais dans Chicken Run, il y a une espèce de grosse machine. Dans le deuxième, il fait tout le temps plein de. Voilà, attention, t'as deux grands voilà, spécialistes. Donc, effectivement, donc des machines. Alors voilà, et ils font plein de machines, c'est un inventeur. Et, par exemple, ouais, c'est grand vite le mystère du lapin-garou, c'est le 6 et 27 mars. Les courts-métrages le 13 et Chicken Run le 13 et le 17 mars. Donc vous rappelez qu'il fallait voir le deuxième, qui était A Wrong Trousers, un mauvais pantalon. C'est le meilleur de la série. Voilà, donc à noter aussi que le cycle démarre le 2 mars avec un documentaire appelé Astro Boy à Roboland de Marc Caro qui sera accompagné de dessins animés. Donc voilà, c'est ce qu'il y a écrit sur le programme. Donc il y aura peut-être les premiers Astro Boy, Atom Boy de... Ouais, peut-être. Des Zuka dans les années 60. Voilà, ensuite... Marc Caro, c'est Marc Caro de Caro et Jeunet. Ah oui, c'est ça. Okay. Donc le festival Anima du 4 au 13 mars à Bruxelles. Donc c'est la 30e édition avec 10 jours bien remplis, des projections de courts, de longs métrages parfois inédits, des rétrospectives par exemple sur l'animation roumaine et des événements avec des invités prestigieux comme Michel Oslo, Bill Clinton, Andrea Sica, Peter Lorre, enfin il y a énormément de choses à voir. Si vous pouvez venir, c'est le premier, le samedi 5 mars. Ils vont faire donc il y aura la soirée du 30e anniversaire et il y aura tous ces gens-là, espérons que ça soit pas la même erreur qu'à Annecy et que ces gens-là montent sur scène et qu'on les voit réellement et qu'on les mette pas dans un coin juste en disant tiens là-haut tout en haut il y a 50 personnalités super connues. Ah ouais, dites bonjour. OK, au revoir. Maintenant il faut que je continue à présenter le palmarès. Donc ce sera super bien et Florentine ne le sait pas mais il y aura une interview normalement de Philippe Moins donc l'un des directeur du festival et on fera un petit topo sur Anima et j'espère pourquoi pas des interviews de gens parce que j'aurai la chance d'être quelques jours à Anima donc voilà j'essaierai de ramener quelques petites choses. Ensuite nous avons l'animathèque de l'AFCA mardi 15 mars à 19h30 Tôle au d'enfer, le cinéma Le d'enfer. Ce sera une carte blanche à Jill Alcabetz. Donc c'est l'occasion de découvrir ce réalisateur né en Israël et travaillant en Allemagne et qui avait réalisé le court-métrage Mourir des Amours en 2004. Qui sera aussi d'ailleurs ouais. Anima, donc ça doit être une... Oui, il me semble voilà, ça doit être entre d'accord, ouais. Qui est intéressant, qu'un Olivier. Il fait oui comme ça de la tête. Et donc pour finir avec les projections, on a le week-end spécial, le documentaire animé Vrai ou Faux, du 18 au 20 mars au Forum des Images, donc à ne pas rater, puisque c'est la première fois qu'il y a un événement spécial autour de la rencontre entre la technique de l'animation et la forme documentaire, qui existait bien avant Valls avec Bachir, donc c'est l'occasion d'y revenir. Donc un programme passionnant avec des conférences, un work in progress, des projections, des débats, Alexis, et une rencontre exceptionnelle avec Théodore Youchef, pour voilà, le réalisateur des journaux de l'Ipset. Et là, j'ai marqué « Alexis va intervenir » parce qu'il adore ce court-métrage. Mais non, il meurt, en fait. Oui, non, peut-être. Si, non, mais je me disais, moi et Théodore Rouchef, déjà, vous êtes obligés de venir. Mais voilà, c'est super bien. Les journaux de l'Ipset est pour moi l'un des meilleurs films de l'année dernière. Tout style, genre, format, etc. confondu. Je trouvais assez exceptionnel. D'ailleurs, les gens du Festival de Clermont-Ferrand, le jury qui, évidemment... Oh, t'es sûr que tu veux dire un truc sur Sergi Sal? Parce que là, il y a un ami à lui. Oui, je sais, mais il faut bien que je le dise quand même. Donc, où il y avait quand même, donc, dans le jury, deux personnes qui font de l'animation. Est-ce que Sergi avait dit qu'ils ont fait de l'animation? Oui, quand même. Et Sergi Sal, ils n'ont toujours donc pas donné un prix autre que le prix, qui est dans la catégorie animation, à un film. Donc, en effet, on a eu droit à, évidemment, heureusement, les journaux de l'Ipset qui a eu le meilleur film d'animation. Ça, c'est bien. Le journal Ipset concerne le jury international. Hein. Ah, c'était le jury national, ils n'avaient pas donné mais ils ont donné donc, alors, encore mieux, le jury national n'a donné aucun prix pour l'animation, puisque le prix pour l'animation est donné par la personne de la SACD toute seule comme un grand. Voilà. Donc ils n'ont même pas donné du tout de prix à l'animation. Encore mieux. Merci Olivier pour cette précision sur le jury. À toi, Florentine. Je vais t'appeler Géraldine. Toi, Florentine. Donc, les rendez-vous mensuels, on a l'apéro animé mardi 1er mars, donc comme habitude, à partir de 19h30 au bar La Mer à Bois, et Bayoa, jeudi 10 mars, à partir de 19h au bar Le Plastique. Pour les sorties cinéma, donc il y en a un peu moins que le mois dernier, je vais rappeler que La Flûte et le Grelot sort le 23 février. Absolument, allez voir. Voilà, donc des films d'art du studio de Shanghai. Florian l'a vu, donc ouais, voilà. Très très bien. Et en plus, il est au-dessus des Ursulines. Voilà. C'est vrai, il est au-dessus des Ursulines en ce moment. Donc bah voilà, vous savez où aller si vous êtes à Paris. Donc le 16 mars, on a les Moomins, c'est la chasse de la comète. Donc un long métrage finlandais en volume PC découpé. Avec la musique de Björk. Voilà, fidèle à l'univers de Tove Jansson. Donc c'est plutôt pour les plus petits, mais ça a l'air très mignon. Je sais pas, j'ai vu la bande-annonce et... Bah, c'est très confus, mais comme le premier, en fait. Ah. C'est donc, si, pour ceux qui ont vu le premier Moomin, c'est dans le même esprit. C'est, faut savoir que ça part dans, vraiment dans tous les sens. Ça aborde beaucoup les questions de crainte, puisque c'est, tout tourne autour de la fin du monde, etc. Et donc, toutes les petites peurs sont toutes analysées les unes après les autres et retravailler après comment on peut surmonter telle ou telle peur. Maintenant, bon, voilà, c'est pas non plus le film du siècle, hein, qu'on soit bien clair. Mais c'est mignon. Voilà, bon. Et donc, le 23 mars, sort Rango, donc un film en images de synthèse américain, avec la voix de Johnny Depp pour le personnage principal. Ah ouais, qui a l'air bien. Voilà, ouais, non, j'ai vu les images. Il faut le dire, pour une fois qu'il y a un film, c'est Gore Verbinski. Pour une fois que tu critiques pas un film. Voilà, c'est Gore Verbinski, de son, voilà, il voilà, qui avait fait Pirates des Caraïbes 1, 2, 3, 8, 9, enfin, etc. Et, mais Rango a l'air assez barge, et alors voilà. Alors, est-ce qu'il y a que la bande-annonce qui est bien, comme de temps à autre? Ben ouais, on verra, mais en tout cas, voilà, ça a l'air assez barré, donc ça peut être plutôt pas mal pour une fois. Donc, du côté du net, il y a énormément de courts-métrages qui ont été mis en ligne dernièrement. Et à voir. Donc, il y a Le silence sous l'écorce de Johanna Lurie. Oui, bien sûr, Johanna. Qu'on a reçu l'année dernière et qui est une ancienne de l'MK. Tout à fait, qu'aurait dû être là. Et vous avez, voilà. Si vous allez voir, vous allez, comme je disais, vous allez vous repasser en boucle le moment où il fait ce rire comme ça et tout. Vous allez voir, c'est absolument charmant. Ouais. Donc, regardez-le. Ensuite, on a le dernier David O'Reilly, The External World. Voilà, tu t'empêches de dire quelque chose. Donc qui est en entier vraiment, et en HD et qui fait polémique chez les fous d'anime. Donc voilà, vous pouvez participer à la polémique. Tu devrais pas faire polémique parce que c'est pas voilà. Bon. Et voilà, donc faut le dire. Son précédent était absolument excellent. C'était une espèce de truc. Là, External World, c'est juste un. Voilà. Il dit oh, je suis un peu barré, donc je vais faire un film barré. Et donc il fait un film où il se dit, où on a l'impression que toutes les 30 secondes, il se dit, oh tiens, je vais encore faire un autre truc barré là. Ah, puis si je faisais un truc. Et ça dure 17 minutes. Et... Voilà. Mais il y a des gens qui aiment ça, donc vous pouvez aller débattre sur Foodanime. Ouais, Olivier est d'accord avec moi, donc voilà, on est deux. D'accord. Donc ensuite, on a Lait, Caramel et Chocolat, le dernier film de Cédric Villain, qui a réalisé dans le cadre du Défi des Fous. Ouais, qu'il faut voir. Qui est vraiment bien, chouette, voilà. Et qu'il faut voir. Et on a. C'est vrai qu'il faut juste qu'il change la voix. mais son film est super bien, sur la peau en plus, sur les. Enfin, c'est voilà, super intéressant. Et on a L'Alphabet de Mirai Mizue, donc figure de la nouvelle génération de l'animation abstraite au Japon. Il a mis toutes les lettres de l'alphabet jour par jour, donc là elles sont toutes en ligne et il me semble qu'il est en train de mettre aussi ses anciens films. Ouais, j'espère vraiment qu'il va mettre Playground, qui était le dernier qui est passé à Annecy, qui est super bien. Et c'est un super réalisateur, donc précipitez-vous. Voilà, puis il y a eu nombreux courts-métrages d'étudiants qu'Alexis a mis en ligne dernièrement sur Zoé Banim. Voilà, donc je les ai pas merci. Tous remis, mais. C'est vrai. Voilà, c'est ce que j'ai noté, tout à fait. Bon, maintenant il faut que je continue là, donc ne me prends pas mes feuilles. Je pensais qu'il y avait les titres quand même, ce qu'il y avait. Non, mais il y en a énormément. Et il y en a une, Emily Cooper du Royal College of Art, qui est absolument incroyable. Et voilà, j'espère qu'elle va envoyer bientôt des trucs. Et c'est peinture animée super beau avec des sujets très durs. Et c'est absolument fabuleux. Ouais, donc ça a été sélectionné aux Imagiciens. Dans les infos diverses. Mais laisse-moi tranquille. Donc, dans les infos diverses, on a le Japan Expo Sud du 25 au 27 février à mars. Et oui, d'habitude, on ne parle pas des Japan Expo ici. Mais il se trouve qu'il y a une exposition hommage à Satoshi Kon, co-organisée par Katsuka, une trentaine d'artistes français. Donc, qui expriment en dessin leur témoignage au maître, dont Gilles Cuvelier. C'est moi qui devais le placer à cette émission, t'as pas compris? Excuse-moi. Donc voilà. J'ai regardé la liste, elle est intéressante. Il y a beaucoup. Oui, Marc, une exposition à voir. Il y a beaucoup de gens qui sont des animateurs, parce que Marc, évidemment, aime beaucoup les animateurs et est un grand, grand fan de l'animation, dans la beauté du geste et du mouvement, et donc il y a beaucoup d'animateurs. Mais il y a. Je me demande s'il n'y a pas. Comment il s'appelle? Ça y est, la Vénus de Rab. Non, il n'y a pas. Je sais pas, j'ai pas tout retenu. Je sais pas. Ou Fabien Bédouel, je sais plus. Enfin voilà, en tout cas. Excuse-moi, pardon. Voilà, donc j'en profite pour rappeler que Marc Agues, donc Tsuka, continue ses émissions tous les 15 jours sur No Life et que vous pouvez toutes les retrouver en ligne et que la prochaine sera le 23 février. Donc il monte des courts-métrages, il y a vraiment pas mal de choses et à voir. Là, il a pas un truc carrément qui fait. Et il avait fait l'interview du réalisateur du dernier Ghibli aussi. Ah, c'est ça, voilà. Qui était en ligne, il y a pas mal de choses vraiment intéressantes, ouais, tout à fait. Donc sinon il y a le concours YouTube Annecy 2011 qui a été lancé il y a pas longtemps. Donc, comme l'année dernière, compétition ouverte à tous les réalisateurs qui souhaitent produire un film de moins de 5 minutes, avec cette année comme thème l'animation Terre de Liberté et les États-Unis, puisque ce sera le... C'est bien de le faire. Après, si vous faites un bon film, il a peu de chances d'avoir un prix. On s'en souvient en effet du très beau film d'Alexandre Dubost qui aurait dû l'emporter normalement haut la main et qui ne l'a pas emporté. Et donc voilà, mais vraiment c'était voilà. Voilà, donc la date limite est fixée au 1er mai à minuit. En plus, je dis ça pour qu'Alexandre continue à faire de l'animation. Faut lui dire des choses comme ça pour qu'il continue à en faire. Donc c'est pour ça à chaque fois je le dis bien. Et pour finir, Alexandre, tu m'as entendu. Voilà. Pour finir, l'atelier Yamamura du 4 au 8 juillet 2011. Il reste peut-être des places. Donc l'abbaye de Fontevraud accueille ce réalisateur japonais dans le cadre d'un grand atelier ouvert à tous, public, amateurs, étudiants, professionnels. Mais comme le nombre de places est limité, dépêchez-vous. Mais ouais, qu'est-ce que vous faites encore ? Il y a le lien sur The Web Anime. Mais oui. Faut absolument aller, sinon vous regardez, il faut télécharger 70€ pour les petits, les étudiants, voilà, comme ça. 100€ pour les gens un petit peu plus grands. Alors j'espère juste que ça va être, mais c'est un type absolument passionnant, c'est un passionné de cinéma avant tout, c'est quelqu'un quand même, c'est sûrement l'un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle, et c'est vraiment à voir, c'est porté évidemment comme toujours par le couple infernal, Ilan Nguyen, Xavier Kawatopor. Non, j'ai pas dit qu'ils étaient ensemble, ne regarde pas comme ça, Olivier. Olivier veut toujours transformer Bulle de Rêve en voici de l'animation. Pas du tout, c'est pas ça. Non, parce que c'est juste... pas du tout voici de l'animation ici. Pas du tout. Sauf en micro. Et donc pour finir, je rappelle le mail de l'émission. Donc c'est emissionbdr@gmail.com. Donc pour nous faire part de projections, de choses, enfin partout en France. C'est vrai que souvent, moi, je parle du forum d'image, des choses sur Paris, mais n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour relayer d'autres choses, ouais, d'autres projections. Voilà. À toi, Alexis. Vous avez remarqué, elle n'a pas parlé du site. Alors, non, je oui, sais, c'est pas bien. Oui, on n'a toujours pas de site. Mais si, ça arrive. Ça arrive. On va bientôt avoir un site fait par Florentine et Tony. Ils vont nous faire quelque chose d'incroyable. Et donc, voilà, donc ça va être bien fait. Et puis voilà. Alors, une petite coupure pas de publicité. Qu'est-ce que tu racontes, Alexis? Tu dis n'importe quoi. C'est un peu bizarre cette émission, et pourtant je vous promets qu'on n'a rien bu de spécial. Moi j'ai bu un thé juste avant, donc voilà. La vraie reine d'Angleterre a sorti un album cette semaine. Il y a la fausse qui truc, mais la vraie reine a sorti. Donc PJ Harvey a sorti un album qui s'appelle Let's England Shake, un album qui est cette fois-ci un début plus politique et qui nous parle de la guerre, de la Première Guerre mondiale, et par rapport à l'Irak, et de gouvernement catastrophique qui est évidemment en ce moment en Angleterre. Et donc on va écouter, comme d'habitude, vous savez que je fais ça comme avec Nicolas, donc on va faire la même chose. Normalement, ça devrait être la piste qui tient juste après, et dont le nom m'échappe, mais vous allez entendre cette trompette incroyable, et la voix de Polly Jane qui chante. Donc on écoute ça et on revient juste après pour avec tout ce beau monde autour de la table. À tout de suite. Et voilà, toujours Bulle de Rêve avec la sublime Pidgey Harvey. Pidgey Harvey pour son dernier album Let's England Shake que je vous recommande. Il est même écoutable en ligne, vous n'avez pas besoin de l'acheter, il est écoutable en ligne, je sais plus sur quel site, mais enfin sur pas mal de sites, il est écoutable. Donc voilà, n'hésitez pas, et c'est super légal en plus et tout, même si c'est vraiment très bien, il y a de plus en plus de gens qui comprennent, et donc l'importance du téléchargement. Et Neil Gaiman, grand auteur, dit à quel point en effet au début il était un peu contre ça, et que maintenant il se rend compte qu'il est traduit dans plein de pays alors qu'il n'était pas avant, et que les gens commencent à lire et à lire finalement ce qu'il fait. Et Alex de la Iglesia, grand réalisateur, un peu de films d'horreur et un peu barge des fois, avec qui a fait plein de trucs en Espagne, un espagnol, a démissionné de la présidence des Goya. Non, ça arriverait pas en France, ça, qu'on démissionne des Césars. Oh, pardon, j'ai dit que j'en parlais plus des Césars. Donc, qui a démissionné de la présidence des Goya parce qu'il expliquait bien qu'il se plantait complètement et qu'Internet, c'était pas le futur, mais c'était aujourd'hui, c'était le présent. Et donc, évidemment, il y avait une redéfinition du spectateur, et que le cinéma était pour le spectateur et qu'Internet permettait de toucher les spectateurs. Et qu'en tout cas, il y avait une nouvelle vision des choses. En tout cas, c'est bien, c'est que ça permet d'en discuter, de pas mettre ça dans un placard. Voilà, ceci étant dit, revenons aux gens qui sont autour de la table, et on va revenir avec... Allez, la personne qui fédère un peu tous les gens aujourd'hui, il me regarde déjà en plus, il est un peu inquiet. Florian, du Studio des Ursulines. Florian, t'as lancé, on t'avait déjà reçu pour nous parler d'Animal Indie, c'était en octobre pour la première pour Émilie Mercier. J'ai Cédric Mercier, mais non, c'est pas le même, ils font tous les deux de l'animation, mais c'est pas la même famille, c'est pas la même chose. Donc Émilie Mercier, qui avait été absolument magnifique, qui avait été un très très beau rendez-vous. Il y avait eu ensuite un rendez-vous. Donc avec Wu Junyoung, qui était un artiste graphique, réalisateur, etc., donc expérimental, qui était venu expliquer son travail. Donc en fait, on avait couplé sa venue avec le festival de cinéma chinois qu'on faisait, parce qu'on n'avait pas les moyens avec nos petits bras de tout payer tous pour le faire venir spécialement de Pékin. Et qui avait été, on avait une petite crainte au début, parce que forcément avec la proximité qu'on avait eue avec Émilie, là on se disait que la barrière de la langue et la traduction et tout, ça allait pas forcément bien passer. Et il avait vraiment été assez surprenant justement, et bluffant et à l'aise. Enfin, c'était un chouette truc. Ouais. Et alors, si en plus on s'est dit qu'il fallait absolument que tu reviennes, à part le plaisir de faire ce focus donc sur l'MK et de parler des trois ours, qui nous faisait plaisir, c'est aussi parce que malheureusement, faut le dire, on est à radio, mais faut tout dire, la dernière. Séance qui était celle des gobelins avec Plantu n'a pas ramené, on va dire, le monde qu'il faudrait. Et donc moi, c'est pour ça aussi que je voulais, c'est voir à quel point il faut défendre les ce genre d'initiative si on veut qu'elle soit, j'aime bien employer ce mot-là parce que c'est super à la mode, pérennisé par la suite. Et c'est super important parce que il faut que les gens comprennent que c'est pas une question de cinéma d'animation, c'est pas une question, c'est que là t'as voulu quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire on vient comme dans un making-of, on vient présenter un film qui est pas forcément terminé, des fois sur les écoles oui, mais en tout cas on vient montrer comment on travaille, ce que va faire les trois ours aussi. Et donc il y a vraiment cette idée-là, et je trouve que c'est une bonne idée. Donc voilà, faut soutenir et faut venir, surtout que tu vas nous rappeler, c'est quand même la séance est à... Elle est à 3€. Voilà. Ou à 20h30, je sais pas ce que tu voulais savoir. Mais... Parce que, non, c'était à 3€, parce que c'était surtout ça. Et donc, c'est pas très cher du tout. Et en plus, il y a un pot après, on peut manger, on peut rencontrer là, et Marine et Morgane, on va pouvoir rencontrer Olivier. Oui, c'est pendant des années, vous l'avez écouté, vous allez pouvoir rencontrer Olivier Catrin. Enfin. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qu'on voulait. Alors, ton idée, c'était, on se rappelle de ça, on va vraiment entrer là dans le sujet avec les gens qui sont autour de la table, c'était un réalisateur, producteur et une école normalement, plus ou moins. Alors, disons que l'idée, voilà, c'est d'avoir donc un comme tu dis, un making of, mais pas nécessairement, mais d'avoir effectivement plus le faire que le fini, et d'avoir donc un contact avec comment les gens effectivement travaillent ou comment ils grandissent. C'est-à-dire que justement, typiquement, moi, ce qui m'intéressait au niveau des gobelins quand on avait fait la première, c'est de pas montrer les travaux de fin d'études qu'on voit perpétuellement partout, systématiquement, mais de faire venir des étudiantes qui étaient en première ou deuxième année, qui parlaient d'un travail fait, d'un atelier fait en première année. Donc on avait vraiment la personnalité qui ressortait particulièrement. Il n'y avait pas encore l'empreinte que chaque école, d'une manière ou d'une autre, met de telle ou telle manière, et qui, c'est vrai, qui est très prégnante globalement dans le travail des gobelins. Quand on voit un film gobelin, on l'identifie en fin d'année, ça très facilement. Là, c'était pas du tout le cas. Et je pense que Marine, t'étais là ce soir-là en plus, et on avait vraiment eu des choses surprenantes par rapport à ce qu'on peut connaître très souvent. Donc ce rendez-vous, après, effectivement, il est dans l'échange aussi, c'est-à-dire d'avoir des gens qui sont à même de pouvoir poser des questions. Alors il n'y a pas de questions bêtes, hein, donc ça peut être du néophyte complet qui pose une question vraiment très très basique, à ce qu'on avait vu avec Émilie, où on avait des réalisateurs, des gens de Lensol, etc. et tout, qui posaient des questions extrêmement pointues pour savoir comment elle avait travaillé telle texture, quoi. Et c'est le mélange de tout ça qui... Ce qui est bien, c'est que la salle permet en plus on est quand même assez proche finalement de la personne qui est en face, donc il y a quelque chose d'assez je dis ça pour bon, Marine connaît, Morgane connaît moins. Voilà, vous êtes très proche du public, donc ils sont tout proches. Voilà, ils peuvent poser des questions. Il y a pas de barrière finalement. Tellement c'est assez intéressant pour ça. Il y a pas la barrière du micro, sauf si vraiment on a une petite voix ou qu'on est enroué. Il y a l'intérêt, c'est que l'ordinateur, qui souvent est l'outil de base de l'intervenant, est à même le proscenium, en fait, juste devant l'écran, ce qui fait qu'on est comme dans une salle de conférence, en train de montrer, de fouiner dans ses répertoires. Si d'un seul coup le réalisateur se dit ah oui tiens, et va rechercher un petit film expérimental qu'il a fait en une nuit, un moment de folie 5 ans avant, il peut le faire, il peut le montrer comme ça et passer complètement à autre chose. Il y a pas de barrière, et la seule barrière, c'est la seule motivation de tout le monde, c'est de prendre du plaisir. Donc il faut pas que la personne qui vienne commence à être dans un cours magistral, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Et voilà, on ne demande pas au public d'écouter béatement, et il est aussi là pour réagir, quoi. Donc c'est pour ça que c'est, encore une fois, je insiste sur le fait que c'est un rendez-vous intéressant, c'est un rendez-vous qui n'a rien à voir avec ce que peuvent nous proposer le Forum des Images ou d'autres cinémas. Et donc là, on part pour les deux prochains rendez-vous. On part pour Angoulême. Pourquoi t'as voulu partir à Angoulême ? Faut le vouloir. Oui, faut vraiment le vouloir. On est très très mal accueillis là-bas. Ils sont tous extrêmement méchants et tout. Bon bah voilà. Donc évidemment, c'est bien pour le contraire. Bah disons que ça s'est fait aussi par le calendrier, tout ça, qu'on a deux présences en Goumouzine à la suite, ou effectivement. Et donc avec l'EMCA en premier, puisque je voulais effectivement des alternances d'école, de maison de production, enfin ce que tu as dit tout à l'heure. Et justement, donc après ça, la maison de production, sachant qu'on a un focus très particulier sur la soirée Trois Ours, qui aura lieu le 21 mars, puisque... ça va tourner autour principalement d'un film qui est Mademoiselle Kiki les Montparnasse, et Kiki de Montparnasse faisait partie du public des Ursulines, en fait, dans les années 20. C'était la petite amie de Maneret, et la bande justement de Montparnasse venait aux Ursulines au cinéma. Donc je pouvais pas ne pas faire quelque chose autour de ce film, c'était juste impossible. Voilà. C'est sûr que c'était ça. Alors, des fois c'est bizarre, depuis le début j'allais l'appeler Olivier Arnaud. Olivier Catrin et non pas Olivier Arnaud. Est-ce que tu peux nous parler, Christian étant pas là, et avant de laisser les étudiants en parler, toi tu connais l'animation depuis des années, des siècles. Bah ouais, mon bon monsieur. Voilà. Tu fais très bien. Donc tu connais évidemment parfaitement l'EMCA. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu ? C'est pour avoir un avis, et que ce soit pas celui du présentateur, mais un avis un peu extérieur, même si tu vas piquer tous les étudiants les stages, mais... et ensuite pour qu'ils fassent des films. C'est vrai que pour les Trois Ours, il y a plusieurs liens avec l'EMCA. D'abord, on est à 5 minutes à pied de l'EMCA, déjà une chose. Ensuite, il y a un lien individuel d'une personne, puisque Serge Elissalde, qui est un des Trois Ours, enseigne à l'EMCA. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants, que ce soit par l'intermédiaire de stage pour venir travailler ou pour nous proposer des projets, qui sont venus par l'intermédiaire de Serge directement. Donc j'imagine qu'ils ont eu un certain plaisir à avoir des échanges et de travailler avec lui pour venir ensuite nous voir aux Trois Ours. Et puis c'est vrai, il y a peut-être aussi une communauté de philosophie, un petit peu, on va dire, parce que l'EMCA est une école qui forme des professionnels, mais qui a aussi le souci de former des artistes et des gens qui ont des univers forts, etc. Et nous, on cherche des gens comme ça, justement, en produisant des courts-métrages, essayer d'avoir des œuvres un peu originales. Et donc, c'est normal qu'il y ait un lien qui se fasse comme ça, un peu naturellement. Donc, pour moi, l'EMCA, c'était, avant de créer les Trois Ours, c'était une des écoles qui comptaient en France, dont j'ai suivi un peu le parcours, l'épanouissement, on va dire. Et c'est super, maintenant, d'avoir cet échange un peu direct avec cette école. Marine. Ouais, vous en êtes sans rire, c'est Marine. L'école, tu sais, l'école existe depuis combien de temps ? L'EMCA ? Ça va faire 11 ans maintenant, puisqu'on a fêté les 10 ans de l'EMCA l'année dernière. Et oui, donc ça fait 11 ans que l'école existe. C'est un cursus en 3 ans ? C'est passé, oui. Avant, c'était un cursus en 2 années qui est passé. Enfin, on est la première promo à finir le cursus en 3 ans, avec donc maintenant une année de tronc commun en première année, plutôt technique, où on apprend des bases 2D et 3D. Une deuxième année qui est plus dans la spécialisation. Donc, on choisit soit une spécialisation en technique 2D, soit une spécialisation en technique 3D. Et une troisième année qui est là entièrement consacrée aux films de fin d'études. Voilà. Donc, on a des. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de temps aussi libre à l'intérieur de l'EMK, notamment la première année, il y a quand même pas mal de possibilités. Et donc, il y a pas mal de gens qui finissent leurs films, qui font des films pendant la première ou deuxième année. On a eu, ça y est, évidemment, j'ai aucune raison, voilà, elle. On a eu aussi, faut que je cite leur nom, sinon je peux pas faire autrement, Alexandre Cormier et... Thomas. Voilà, qui va m'en vouloir. Redis-moi son nom à Thomas. Jolimberge. Voilà, qu'on finit aussi deux films absolument incroyables qui sont sur Internet. Il y a vraiment cette idée qu'ils finissent, ce qui n'est pas leur film de fin d'année, qui finissent comme ça. Et ça, c'est quelque chose qui se dit à l'MK, enfin, quelque chose qui est important ou non, c'est vraiment des individualités qui font leur film et c'est plus un... Non, alors on a des créneaux qui sont prévus pour ça, en fait. Avant la troisième année, qui est vraiment donc l'année normalement du film fini et tout, du gros truc, on a en première année, on avait des temps pour expérimenter, pour faire des films et tout. Et en deuxième année, on a même les derniers mois de la formation qui sont consacrés à la fin normalement d'un premier petit film en cours de formation, qui peut être un film personnel qui va amener au gros film normalement de troisième année ou une expérimentation autre. Donc effectivement, on a pas mal de gens comme ça qui prennent des temps à l'école et en dehors de l'école pour pouvoir finir des petits films en cours de formation. Enfin, petits films, des films en cours de formation. Il y a beaucoup de... Mais comme dans toutes les écoles, je pense, il y a beaucoup de profs qui ont été élèves à l'école et qui deviennent profs. Est-ce qu'on peut dire... Parce que c'est vrai que l'EMK, comme tu disais, Olivier, est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'on est... est une école qui se situe un peu entre l'ANSAD et la Poudrière d'un côté et juste un petit peu après et de l'autre côté les gobelins enfin voilà Super Infocom pour vraiment faire une facilité ce qui est pas forcément bon mais voilà. Et alors c'est ça qui est bien avec le direct, c'est que j'ai absolument oublié ma question. Voilà. Ça qui est intéressant, c'est que d'un seul coup, je parle. Et là, en plus, évidemment, Florentine profite pour prendre une photo de moi en disant « Alexis embarrassé, oublie sa question. » Merci. Voilà. Donc, c'est intéressant. Il y a des gens qui sont, voilà, je sais pas, voilà. Ok. Morgane. Et en plus, évidemment, personne m'aide et tout le monde est très content de me voir dans la panade. Alors, Morgane, alors, c'était ma question d'après, donc je vais commencer avec la question d'après. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie? T'as fait, c'est drôle parce qu'avec Marine, vous avez un peu le même parcours. Vous êtes tous les deux un peu le même. Vous êtes tous les deux en troisième année maintenant. C'est ça. Et toi, après les SAT, dont on avait déjà parlé, Marine, la première fois que t'es venue, t'es là. Toi, t'as voulu faire l'EMK. Tu te souviens pourquoi t'as eu envie de faire cette école? J'avais envie de me trouver, en fait. Et je pense que c'était une des meilleures écoles. Enfin, celle qui me correspondait le plus, parce qu'il y a un espace de liberté assez énorme. Et donc, j'étais assez intéressée aussi par la nouvelle formation en 3 ans, du coup, où je me suis dit, bon, je vais peut-être avoir un peu plus de temps, justement, pour me trouver, parce que j'avais été mis dans le bain de l'animation avec le DMA d'un coup, comme ça, et j'avais eu besoin d'une pause. Et donc, j'étais très intéressée aussi à l'époque par la poudrière, par les métiers de la réalisation. Et je sais pas, il y avait un côté chaleureux et familial quand je suis arrivée. On était à la base, on était que 40, et donc c'était cette espèce de un peu comme une résidence, quoi. Voilà, ça avait l'air c'était très attirant, quoi. Il y a des côtés négatifs, c'est-à-dire que non mais pas par rapport à l'école. Je suis pas en train de demander à un élève qui en plus encore un truc Morgane Moriarty, c'est malin. Mais non, c'est pas ça. C'est par rapport à un étudiant, c'est parce que moi je sais que par rapport aux étudiants qui peuvent être dans d'autres écoles et qui se demandent s'ils vont faire l'EMK, il y a cette inquiétude d'avoir trop de liberté. Et finalement, voilà, est-ce que on a besoin de se reprendre tout le temps en se disant bon attention, là faut que je fasse attention parce que voilà. Disons que ça responsabilise beaucoup. Parce qu'on est peut-être en première année encore dans un système un petit peu scolaire, mais c'est pas plus mal. Et on est lâché au fur et à mesure de la deuxième, puis troisième année, au fur et à mesure des ateliers. Et ce qui est vraiment bien, c'est que rien n'est imposé. On peut faire autour de la stop motion, de la 3D, de la 2D, aller filmer sur les jolis bords de la Charente, comme aller gratter du papier, animer du sable. On peut faire vraiment ce qu'on veut. On a toute la liberté au niveau de nos discours. On n'est jamais censuré. Voilà, LMK se pose vraiment en tant que productrice et on voit bien que les films arrivent à faire leur petit bout de chemin. Après, donc, je trouve que c'est plutôt bien. Voilà. Alors, le cadre est plutôt sympa. Évidemment, non, je n'entrerai pas dans une polémique. Il faudrait que Christian soit là. Christian Arnaud soit là pour rentrer dans une polémique. Ça serait évidemment plus intéressant. Pas demander, mais c'est intéressant cette idée de liberté. Moi, je le vois aussi que des fois, plus on a de liberté, plus c'est compliqué aussi de créer, de se sentir. Voilà, même si des fois c'est trop. Enfin bon, c'est toujours un peu la même chose hein, entre la liberté. Ça coûte combien? La grande liberté. C'est oui, ans, alors nous c'était 3500 euros l'année, mais il me semble que ça passe à 4000 à partir de l'année prochaine. Je ne suis pas au courant. D'accord. D'accord. Et encore, ça reste. Ce qui n'est pas énorme. Ouais. Voilà, parce qu'on les écoles sont à 6000, 7000. Je crois que Lisa est à 7200, 7500 euros. Mais on a des super logos et du super matos. Voilà. Non, mais effectivement. Puis c'est agréable. Il y a. On est dans un château. Vous êtes dans un château. Il y a j'aime bien le musée de la BD. Non, mais c'est vrai qu'il y a la. C'est quoi? La Charente. Juste à côté du. Oui, la Charente. Ah, c'est ce que vous disiez, qui est super joli et tout. Donc. Il faut dire que le cadre est vraiment propice. Non, c'est bien. C'est vrai que c'est ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, si vous êtes à LMK, vous animez ou vous faites des soirées. c'est un petit peu les deux choses que vous pouvez faire, parce que de toute façon, il y a pas de fenêtre, enfin, rien. Non, il y a pas de magasin pour acheter des choses. On vous l'aime, oui, bien sûr, c'est mort. Il y a pas de boulanger. Non, mais il y a chez Doud derrière. On a chez Doud, deux magnifiques boîtes quand même. Oui, il enfin, y a pas mal de choses. Il y a des boîtes. Comment s'appelle la boîte Ah, le Moon, hein, la boîte préférée des gens de l'AFK. D'accord. Ok, faut savoir dire les choses quand même. Ça va, oui, tu n'y étais pas. Ça va, vous avez fini, Marine et c'est ça un peu le problème, c'est que Marine et Florence, une espèce de vieux couple, donc si on les amène ensemble dans le studio, ils commencent à se raconter leurs vieilles histoires. Donc voilà. Donc j'ai oublié de vous dire quand même que le générique, ce superbe générique qu'on a entendu au début, on le devait à un film qui s'appelle Test of Tea. Film japonais complètement barré et donc voilà, je voulais quand même le préciser. Jérôme. Toi, je t'ai gardé pour un peu après, parce que t'as fini l'MK. Donc toi, c'était deux ans à l'époque, encore. Oui, c'était encore à l'époque où c'était en deux années, et je crois que je suis sorti en juillet 2006. Tu te souviens pourquoi t'avais pourquoi fait autre chose avant? Je sais pourquoi t'as commencé, en fait. Qu'est-ce qui t'intéressait dans l'MK? Est-ce que c'était un peu pour cette idée de liberté? C'était quoi? Moi, j'ai eu un parcours... Bah, comme pas mal de gens, je suis passé d'abord par des prépas et de la communication visuelle. On passe souvent par du graphisme actuellement pour aller dans le monde artistique. Ah, il faut que tu mettes ton micro voilà, un petit peu plus, qu'on t'entende bien. Ah, très bien. Et donc, c'est petit à petit où je me suis aperçu que c'était vraiment l'animation qui me plaisait. À ce moment-là, j'étais sur Paris, donc je connaissais plutôt les Gobelins, plus que l'MK. Et au final, j'ai tenté les deux concours, j'ai été pris à l'MK, et en fin de compte, ça me convenait, je pense, beaucoup plus que les Gobelins, qui est une très bonne école, mais qui a des profils peut-être un peu plus différents, un rythme différent, des envies peut-être aussi quelquefois différentes. Alors, tu sors, on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, tu sors de l'MK, on va pas reparler, mais c'est intéressant, donc tu finis pas ton film de fin de film là-bas, tu le travailles. Évidemment, à chaque fois, on croit que c'est l'élection piège, pas du tout. C'est juste parce que je trouve ça intéressant, l'idée de ne pas forcément avoir à terminer son film. Et que si, on va le voir. Si. Maintenant, on est obligé. C'est l'obligation. C'était d'accord. Déjà le cas à l'époque. C'est vrai. Oui, il fallait le finir. Non, mais... Par contre, à l'époque, il n'y avait pas une année entière consacrée au film de fin d'études. Donc la deuxième année, il y avait beaucoup d'ailleurs de petites histoires là-dessus. Ouais. C'est qu'il y a beaucoup d'élèves, dont moi, qui à ce moment-là étaient plus passionnés par leur film qu'ils voulaient absolument faire, et qui du coup, pas dénigraient, mais un petit peu ne passaient pas le temps qu'il aurait fallu sur les ateliers qu'on leur proposait. Donc la troisième année, je trouve que c'est pas mal au final. Ouais, d'avoir développer, excusez Morgane, ouais. Finalement, ouais, ouais. Le fait que ça, ça règle un peu le problème qui, en fin de compte, n'avait pas lieu d'être. On n'est pas d'accord. Non, si je dis ça, c'est que je trouvais intéressant, parce qu'on va parler évidemment après de... Tu vas nous dire pourquoi tu étais les trois ours, comment c'est passé, etc. Et je trouvais intéressant quelqu'un qui, justement, ne doit pas rentrer dans le circuit des festivals et dont le film n'est pas forcément visible. Mm-hmm. Voilà, fasse quand même un film, un court-métrage personnel, en tout cas réalisé, voilà, le graphisme vient de toi, etc. Et je trouvais ça intéressant, alors que souvent on a tendance à dire, et ça va m'intéresser Olivier, de savoir comment, tu nous as dit, ils viennent des fois te voir, mais comment, voilà, comment ça se passe au niveau des contacts. Donc toi, tu fais quoi après l'MK? Tu fais des, comme beaucoup d'étudiants, fait plein de petits boulots dans tous les studios pour gagner sa vie. Exactement. Après l'MK, j'ai travaillé pour plusieurs studios. À l'époque, il y avait un studio Trocadéro qui a fermé depuis. Et donc là-bas, c'était bon. Il pourrait y avoir une émission là-dessus. Oui, ouais. Il y a eu une histoire sur ce studio. Donc ensuite, je suis allé chez Je suis bien content et chez Normal Animation. Voilà. Et j'ai profité de m'arrêter un petit peu à un moment donné pour faire un dossier et de le présenter justement aux trois ours. Donc c'était j'avais fait ma petite liste de producteurs qui et j'ai eu, je dis pas parce que Olivier Catrin, mais réellement, enfin, c'était le premier producteur que j'allais voir. C'était j'avais vraiment envie de travailler avec les trois ours. Juste précise que c'est pas pour moi, parce qu'on se connaissait pas, c'est pour Serge quand même. oui, il est allé voir les trois ours. Ouais, mais pour toi aussi, quelque part, il y avait quelque chose de... Je ne savais pas qui ne encore. Savait, voilà, voilà, c'est ça, qui ne savait pas encore. Quand tu travailles à Normal, Je suis bien content. C'était sur de la série. C'était sur de la série. Exactement. Le fait de vouloir faire un cours, c'est quelque chose qui t'a jamais quitté depuis que t'as fini l'MK, ou c'est... Non, t'avais complètement oublié d'un seul coup des choses... Si, j'avais envie de faire un court-métrage, mais il fallait aussi que je travaille, puis se confronter un peu travailler en équipe, travailler en studio, travail, tout simplement, quoi. Et puis au niveau du, comment dire, de l'organisation, c'est assez intéressant aussi de travailler en studio, même si des fois les productions, encore que moi j'ai eu quand même chez Je suis bien content, ils font des productions sympas. Normal, c'est pas les pires des... Voilà. Des donc du coup, non, au niveau de l'organisation, je trouve que c'est pas mal de passer un petit peu en studio. C'est bien, c'est le discours qu'avait eu Émilie. Est-ce que c'est important ça? Émilie Mercier, qui était venue, avait dit la même chose. Elle a dit, je suis très content d'avoir passé des années en studio, faire de la série, et puis faire quand même mon court-métrage, ne jamais avoir lâché finalement l'histoire. Ça, c'est important. C'est quand tu lis un dossier de voir ça ou non? Parce que, par exemple, Florentine Grelier, elle... Elle était même encore étudiante. Ouais, toi, comment tu juges un... C'est-à-dire que Jérôme vient de voir avec son... C'est quoi? C'est des coups de cœur? Comment ça se passe? Il sortait, ça faisait pas très très longtemps qu'il était sorti de l'école quand même, Jérôme, parce que il nous a contacté, ça devait être, je sais pas, peut-être fin 2008 ou début 2009. Ouais, donc c'est à peine un an. Voilà, ça faisait pas beaucoup de temps. Après, c'est vrai qu'il y a des profils très très divers. Parmi les courts-métrages qu'on produit, il y a des gens qui ont passé 10 ans, dans l'industrie, comme on dit, avant de faire un court-métrage, comme François Bertin, qui est Angoulême et qui a fait lui La Poudrière. Il a fallu attendre 10 ans pour qu'il fasse un court-métrage derrière. Après, Juliette, qui est à côté, elle a beaucoup fait des films d'atelier, même si elle a travaillé aussi sur des productions, mais elle vient plutôt de cet univers-là. Puis il y a des gens qui sortent de l'école et directement ils viennent avec un court-métrage, c'est possible aussi. Enfin, tout est... Jérôme, tu voulais dire? Oui, que je trouve ça bien d'un côté d'aller en studio, mais il faut voir aussi qu'il y a pas mal de personnes, je trouve, qui passent beaucoup de temps justement sur la série et qui, de fil en aiguille, perdent un petit peu l'envie aussi au bout d'un moment. Je pense qu'il faut quelque part, et à un moment il faut se faire violence, j'ai l'impression, pour passer le pas du court-métrage. Il y a un certain confort finalement, travailler dans un studio, et on a peur aussi de pas trouver d'emploi après aussi, donc il y a aussi quand on a du travail, on va accepter les contrats au fur et à mesure, on est pris un petit peu, on peut être pris dans une spirale un peu où on travaille quoi, et on a, enfin, je connais des personnes qui ont un peu peur de s'arrêter pour faire des dossiers. Florentine, c'est un peu ce qu'on disait aussi, non, d'anciens camarades du DMA qui disaient, t'as un peu de la chance, tu fais, même si c'est difficile, parce qu'évidemment, t'as pas le salaire tous les mois, on va dire, du studio, entre guillemets, qui en effet peut rendre les choses un peu plus aisées, entre guillemets, c'est pas forcément, alors que toi, tu fais, en effet, c'est un peu comme Juliette, tu fais des ateliers. C'est vrai que c'est des choix, c'est vrai que la série, on sait que la rémunération est fixe, c'est bien. Et en fait, en plus, quand on est intermittent, on a des... Et toujours l'idée de se dire, bon, on va avoir du temps pour faire les projets perso. Mais c'est vrai que je connais aussi pas mal de gens qui se sont dit ça et qui, au final, repoussent et ont une spirale où... Et puis, c'est vrai qu'après, quand tu gagnes bien ta vie, t'as pas forcément envie de revenir à des choses. Donc moi, oui, j'ai fait un choix, le choix de pas de faire de la série, de faire des ateliers, ce qui est vraiment plus aléatoire. Certaines fois, je me dis, ceux qui sont sortis des démas, qui ont fait de la série, ils ont entre guillemets mieux réussi parce qu'ils gagnent mieux leur vie. Et puis, eux peuvent se dire que c'est moi qui fais des choses plus créatives, entre guillemets, c'est vrai que on peut pas tout avoir d'un coup en sortant. Donc, c'est vrai que c'est un choix. Avant de redonner la parole à Jérôme, toi, est-ce que t'as la tentation des fois de dire j'en ai marre? Je vais aller en studio et je vais être tranquille et. Je me dis aussi que comme j'ai encore jamais essayé, que ça peut être une bonne expérience aussi pour effectivement le travail d'équipe. Et oui, il y a la tentation de se dire oui, moi aussi je vais être intermittente et gagner 120 euros jour et être payée à la fin de chaque mois bien comme il faut. Enfin bon, non, mais voilà, forcément, on a toujours la tentation. Et je pense que si je peux faire une expérience d'intermittente de 6 mois, enfin vraiment, en sachant qu'il y a une fin, c'est surtout ça, pas rentrer dans une prod. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter parce que c'est ça le problème, ce qu'on disait. Est-ce que c'est pas il y a pas une addiction au fait de toucher suffisamment d'argent? Encore une fois, c'est pas non plus, faut pas exagérer, c'est pas des montagnes d'or, mais en tout cas être un peu tranquille à un moment donné plutôt que de ramer. Est-ce qu'il y a pas toi exemple, quand t'as, comme tu disais, quand t'es reparti sur ton projet, t'as, c'est à un moment donné je vais reprendre tranquillement. Incroyable, c'est juste de pas tomber dans le Lexino, j'ai retombé dans l'Olivier 4-1. Oui, donc parler doucement normalement. Donc oui, toi Jérôme, donc quand tu t'es arrêté en fait à un moment donné, tu nous disais bien il a fallu que tu t'arrêtes pour reprendre le court-métrage pendant que tu bossais en studio. C'était dur de se dire je bosse sur mon cours, je bosse sur un truc personnel. Moi, ce que je trouve dur, c'est de faire les deux en même temps. Donc moi, j'ai un peu choisi de ne pas le faire, les deux en même temps, et donc de m'arrêter. Faut voir qu'on est intermittent, donc à un moment donné de préparer un dossier en étant un petit peu sur son chômage et avec les risques que ça comporte de pas retrouver d'emploi après. Mais moi je l'ai fait comme ça. Pour le moment, ça a plutôt fonctionné. J'ai trouvé du travail par la suite. Donc c'est possible de... Après, c'est encore une fois, ce qu'on disait tout à l'heure, une question de choix. Morgane, Marine, est-ce que vous, c'est quelque chose auquel on est... je vais repasser pour le méchant. On est en février. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez déjà? La fin de l'année, c'est juin. Est-ce que déjà vous dites... Juillet, allez, je te donne encore un mois. Juillet, est-ce que... Déjà, vous êtes toutes les deux dans la préparation de votre film de fin d'études. Et après, vous dites déjà, je vais le finir, je vais aller voir les studios. Morgane parle vraiment plus dedans. Je pense qu'on y pense forcément un petit peu déjà. Mais après, chaque chose en son temps, il faut essayer de finir déjà ce qu'on a commencé. Et puis, Toi, t'es pas déjà en train de te dire, tiens, l'année prochaine, je tente ça ou si? Si, moi, je suis déjà en train d'essayer d'aller voir de l'autre côté de l'océan. D'accord, partir de l'autre côté de l'océan. Parce que moi, quand je t'ai rencontré il y a longtemps, tu voulais plutôt aller de l'autre côté de la Méditerranée. Ouais. Ça a changé maintenant, c'est ça. D'accord, ok. On n'y est pas encore. D'accord. Voilà. C'est moi, il se passe plein de choses en ce moment de côté de la Méditerranée. Et... tu parles dans le mauvais sens. Non, ouais, au contraire, je pense que c'est le moment. Il y a plein de choses qui vont se créer, on l'a bien vu, et qui font bouger des choses, donc ça pourrait être pas mal. Mais moi, bizarrement, j'ai pas des envies justement d'être tout de suite dans une spirale de boulot, etc. En France, et je me dis que de toute façon, on va bien vouloir commencer à gagner aussi sa vie, etc. Et j'ai vraiment envie de faire des expériences à l'étranger maintenant. Parce que je pense que j'ai plus de liberté maintenant, on verra. Mais il y a le côté humain aussi, c'est ça qui est important. Voilà, et j'ai vraiment envie d'aller voir comment ça se passe ailleurs, parce que j'ai l'impression que les gens sont vraiment très motivés. Peut-être parce qu'ils ont moins les moyens, j'en sais rien, mais voilà. Alors, Marine, ça a l'air d'être bien. Marine, c'est l'inverse, elle veut être étudiante à vie. Voilà. Moi, je veux continuer avec une sécu étudiante. Voilà, donc toi, t'as déjà en fait une envie de... Moi, je passe un seul concours, ouais. Donc on verra. La poudrière, ouais. Que j'aimerais. Mais plus au niveau de la. J'adore. Donc, qui est vraiment comme Zemorienter, une école plus sur la réalisation. De réalisation et tout, mais bon, faut y aller, c'est 9 places par an, donc. Ouais, c'est. Donc, et en plus, oui, tout, tout le monde s'y met maintenant. J'ai l'impression que c'est l'année. Non, mais même l'année, tout le monde, tout le monde s'y met. Il y a chaque année au moins une ou deux personnes des gobelins et ils ont l'air de vouloir en plus en plus à la poudrière. Je répéterai, mais j'ai envoyé un mail à Annick qui ne m'a pas répondu. Et Annick et Laurent, Annick Teninge, et Laurent Pouvaré, vous êtes évidemment les bienvenus pour faire un spécial poudrière ici. C'est quelque chose dont je rêverais de faire. Ils sont à Valence, je rêverais de faire. C'est sûrement l'une des écoles plus intéressantes. On a fait l'ENSA, des gobelins, les DMA, on a fait l'MK aujourd'hui. Enfin, donc, Christian est le bienvenu, évidemment, s'il veut revenir pour en parler. Mais ils sont les bienvenus. Voilà, ils ont fait une année absolument, deux années absolument exceptionnelles là, dans leur film de fin d'études. Et ils ont remporté tous les prix à Bru, Clermont-Ferrand. Alors, bon, je ne pense pas grand-chose des prix, mais quand même, ça veut dire au moins que les films voilà, sont vus. Donc, toi, c'est La Poudrière. Et si je l'ai pas, c'est ça. J'adore cette émission. On se sent tellement bien en sortant. Si je l'ai pas, mais alors moi j'ai eu des expériences là de stage dans le court métrage et j'aimerais bien continuer. Les trois ours, si vous avez besoin de gens que vous pouvez payer, ce serait avec plaisir. Et voilà, non, l'émission dans laquelle tu vas, on se sent mal, mais on se vend quand même un peu. j'ai quelques projets, j'ai quelques propositions. Enfin, j'attends de voir si ça se passe, peut-être de faire des films pour des musées ou ce genre de choses. Avoir des commandes, essayer de développer aussi un univers perso et puis. L'idée, pour pas que vous pensiez en face que je les torture, pas même si Florentine prend plein de photos pour voir que je les torture pas, c'est vraiment de montrer, c'est vrai que c'est peut-être mon côté prof aussi, et des étudiants qui sont souvent en première année, c'est une année qui savent pas forcément quoi faire, et de montrer en fait le côté très pluriel de ce qu'on peut faire, et finalement qu'il n'y a pas une seule possibilité, qu'on peut rentrer dans un studio, qu'on peut sortir du studio si on a envie, qu'on peut partir à l'étranger si on a envie de partir à l'étranger, qu'on peut de suite rentrer dans un boulot pour faire des cours, faire des ateliers, ce genre de choses, faire une école. Enfin voilà, il y a vraiment cette espèce de possibilité qui est quand même assez énorme en animation, qui est aujourd'hui quand même un cinéma dont on parle quand même plus. Je suis pas forcément je trouve toujours pas de bonne manière, mais en tout cas, dont on parle de plus en plus. Si vous voulez être énervé, il y a un reportage sur une émission, sur une chaîne télévisée. Alors, moi, j'ai pas la télévision, mais culturelle, il y en a, qui s'appelle Arte, et qui a fait un petit reportage sur Trax, pourtant l'une des meilleures émissions d'Arte, sur Schwankmeyer, où il commence en disant, Disney plus Freud égale Schwankmeyer. Ah, voilà. Ou alors, ils disent, et juste après, ils disent. Schwankmeyer, sans qui, et je sais si j'aime Schwankmeyer, on en a beaucoup parlé, sans qui l'animation serait restée à l'âge de pierre. Enfin voilà, ce genre de conneries. C'est... Donc, voilà, Olivier, juste lève le sourcil, vous savez, comme Roger Moore dans James Bond, un côté comme ça, un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit sur l'AMK qu'il fallait absolument dire? Après, on va, Jérôme, tu vas reparler, parce que tu voudrais parler des trois ours, toi, t'es double, on va reparler de Marine, parce qu'elle essaie de se faire embaucher, donc par les trois ours, en direct. Peut-être qu'on peut ajouter un truc, c'est quand même, les étudiants de l'AMK ont une chance quand même, c'est qu'ils sont dans un contexte à Angoulême où ils ont quand même des possibilités de travailler assez facilement, de faire des stages assez facilement. Oui. Vous êtes quand même privilégiés quoi, par rapport à. Je vois qu'il y a une école d'animation à Nantes par exemple, c'est quand même beaucoup plus compliqué oui. pour eux pour trouver des stages, du boulot derrière. Enfin, ils sont de toute façon obligés de partir. Tous les étudiants de l'AMK restent pas en Angoulême, bien sûr. Hein. Il y en a un certain nombre qui restent et c'est vrai qu'il y a pas mal de boîtes dont ils peuvent. Je sais pas, je les connais pas forcément tout en détail, mais j'adore poser ce genre de questions. Où là, il y a un moment donné. Je remarque que quand les trois ours se sont créés, on était les premiers à Angoulême à dire on veut faire du court métrage. Mais depuis, il y a une autre boîte qui se lance aussi dans ce créneau-là, dont j'ai oublié le nom, mais vous devez connaître, non? Cette boîte créée par Flavie Larchin et Renaud Armanet. Petit Gobo Animation. Voilà. Petit Gobo, d'accord. Morgane, tu veux dire quelque chose? Non, je disais que c'est vrai qu'il y a une proximité avec les studios déjà géographiques, mais aussi parce que au niveau des intervenants et qu'on a dans l'année, c'est souvent des gens du coin, anciens de l'AMK ou pas, des gens qui viennent des studios aux alentours, et du coup, il y a comme ça des relations qui se mettent en place amicales. Ouais. C'est important ça de voir qu'il y a des gens. C'est un peu ma question de tout à l'heure. C'est si, le fait d'avoir des gens qui étaient. Ça concrétise un peu plus les choses. Ouais. C'est bien. Enfin, d'avoir des gens comme Jérôme, bon, qui lui est en production de son cours, ou Johanna qui a fait son film et qui. Il est pas encore en production, ça va venir. On n'a pas commencé. Producteur qui est. Okay. Et donc, d'être presque en production, donc. Et non, mais d'avoir ce. Oui, quand même quelque chose qui est assez qui est dans la ville, quoi. J'ai entre, c'est vraiment un pôle entre, même si c'est évidemment deux arts complètement différents, entre la BD et le et l'animation qui vit beaucoup. Si on n'a pas dit quelque chose de super important, il y a un pôle animation qui s'est Non, ça, je pensais pas du tout à ça. Non, je pense au Créadoc. Parce qu'en plus, Marianne, t'as fait un super Créadoc qui est super intéressant. Le Créadoc, donc, c'est une école en deux ans. Donc, je crois que c'est un master pro spécialisé dans le documentaire, qui est basé à Angoulême aussi, qui est une des sept écoles qui fait partie du pôle de l'image. Donc, parce qu'on a un campus de l'image à Angoulême qui regroupe plusieurs écoles autour de l'audiovisuel, du dessin, de la BD et d'autres choses comme ça. Et donc il y a un partenariat qui s'était mis en place entre l'EMCA et le Créadoc pendant plusieurs années. Je sais pas si c'est reconduit cette année. Normalement oui. Oui mais non mais finalement. Oui mais non mais. Bref. Donc c'est compliqué. Laissons de côté mais... toutes ces D'accord. histoires. D'accord. On essaie d'en savoir plus. Et donc c'était un travail entre les deuxièmes années 2D de l'EMCA. On dit 2D mais bon. Oui en fait ceux qui ne font pas de la 3D principalement. La synthèse et voilà. Et les étudiants de première année du Créadoc qui suite à leur donc les étudiants du Créadoc ont d'abord dans le cadre de leur formation un reportage, un documentaire d'une vingtaine de minutes en général à faire un documentaire sonore. Et donc nous avions assisté à leur soutenance donc durant toute une journée où on les a vus, on est rentré un peu en contact avec eux, etc. Et leur projet et la suite ça donnait donc un film à faire hein. Voilà donc, en gros l'idée c'était de travailler main dans la main avec les étudiants du Créadoc à partir de leur sujet de leur documentaire et d'en faire un petit film animé de 3 minutes en général, voilà, et d'essayer de remanier la chose sans trahir le promo premier, et voilà, vraiment, c'était un travail d'équipe. Voilà. C'est passionnant parce que ça veut dire qu'il y a premier auteur qui est l'auteur du documentaire sonore, il y a la parole souvent de la personne, ouais, personnes qui sont interviewées, et ensuite vous arrivez donc, et donc d'un seul coup, il y a un nouvel auteur qui doit prendre cette œuvre déjà qui est faite pour essayer de la retranscrire. C'est très délicat, et en même temps, fois, c'est marche, passionnant. Des fois, ça marche moins. Voilà, je sais pas, je pense que tout le monde a eu une assez bonne expérience. Presque, oui. En général. En tout cas, c'est voilà. En tout cas, c'est vraiment passionnant. On en verra lundi aux Ursulines. Alors, je ne sais pas. Normalement, dans la liste, il y avait des documentaires qui avaient été. Enfin, je suppose que Christian Arnaud a sélectionné des documentaires. Après, je ne sais pas si on aura le temps de tout montrer parce qu'il y avait pas mal d'ateliers. Enfin, on a fait pas mal de sélections. C'est quand même intéressant. Il faudrait que le directeur des Ursulines pousse un peu. Florian, parce qu'au moins d'avoir celui, pas Morgane qui sera là, d'avoir celui de Morgane ou aveuglement. Je pense qu'il en a. Normalement, il a dû en ramener. Parce que c'est un projet qui est. Au pire des cas, on peut en ramener. Super intéressant, t'en as vu toi, Olivier. C'est des films qui font un peu leur bout de chemin aussi en festival. Je pense à l'aveuglement notamment. Je sais plus dans quel festival il a été, mais il tourne plutôt bien parce que les. Puis à premier plan. En général. Et t'as premier plan Angers aussi. C'est exact, tout ça. Ouais, ouais. Ça donne des films qui ont vraiment qui sortent justement du cadre des films d'étudiants en fait. Voilà. Bon, on va faire une pause et après s'il y a des choses à dire sur l'EMCA, et ben on va les redire. Il y a forcément et ensuite on revient avec enfin vous allez entendre la voix de Juliette. Qu'elle a depuis tout à l'heure et qui dessine Audrey. On entend rigoler déjà. Voilà, mais on va l'entendre, elle va nous parler de son très beau projet et on va parler évidemment avec l'un des trois ours et puis Totoro Florian, qui malheureusement, parce que Totoro n'est plus au studio des Ursulines. On l'avait dit la dernière fois, il fallait. Ça va ? C'est un peu dur quand même, oui. On se demande un peu quoi faire de nos dimanches. On tourne en rond comme ça. C'est très compliqué. Non, mais disons que oui, pour des sombres histoires de droit, voilà. Pourtant, ça avait tenu pendant des années. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a changé. Mais ils ont changé d'avis. Voilà, c'est quoi le petit cinéma qui passe Totoro et puis parce qu'ils veulent le ressortir, c'est ça. A priori, oui. Alors, ils passent encore à 2-3 endroits, là, parce qu'ils honorent les contrats qu'ils avaient signés un peu à l'avance. Donc, je crois qu'ils passent dans MK2, là, en ce moment, dans un ciné junior ou un truc comme ça. Mais voilà, quoi. quoi. C'est bientôt ils vont s'asseoir sur les copies avec un tromblon et ils ressortiront que pour savoir voilà, parce que pour savoir quand même la petite chose, vous savez que Ghibli, donc les films de Ghibli ont été rachetés pour les droits internationaux par Disney, par voilà, pour qu'on rachète. Et le problème c'est que Disney en fait profite de quelque chose, c'est que Disney se dit, ça a été pendant très longtemps en tout cas en cinéma leur politique, maintenant qu'il y a le DVD qui sort, c'est un peu différent, mais il y a plein de films qui sont pas édités en DVD de Disney, c'est de se dire on les supprime pendant 7 ans, enfin 5 ou 6 ans, c'est-à-dire une génération, et on les ressort une génération après, ou 2 générations après, ce qui fait que tout le monde va les voir, et pendant des années, en tout cas en cinéma, et même en VHS, c'était cette politique-là. Alors bon, là, a priori, tout est sorti en DVD, donc c'est un petit peu étrange de la part de Disney de faire ça, mais bon, après, hein, si on veut supprimer un concurrent, c'est peut-être pas mal de le faire de cette manière-là, peut-être que c'est une manière de supprimer Ghibli, on verra bien. On va écouter un morceau d'un groupe qui s'appelle Cloud Cult. C'est un album qui s'appelle Feel Good Ghost. Et c'est donc le troisième morceau. Et à chaque fois, c'est l'inquiétude parce que je dis ça et je me dis, est-ce que ça va être le bon? Est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi? Donc, on va écouter le début et c'est un morceau qui dit, et qui s'appelle, voilà, vous allez entendre. Eh ben, on écoute Cloud Cult. He met her at a nightclub. She couldn't keep the beat. She wore her grandma's prom dress, raccoon slippers on her feet. He took a shot of something strong to make him feel less weak. And so the story goes. There's something to be said about trading stories of when you're 8 years old. He had his first stitches when he bit an ice cream bowl. She had her first kiss in a swimming hole. So the story goes. And the days grew long, and the wine was overflowing. And she knew she was in love, 'cause nobody ever hugged her like that. Hugged her like that. Hugged her like that. Hugged her like that. They moved into a school bus just 'cause it seemed like fun. She'd say, I like the way you touch me. It makes me feel like I have no skeleton. And so the story goes. And I've seen photographs and videotapes of that diesel home, that loving place. And it's about time two minds combine in such a fine, fine way. All be simple, and may your hearts stay strong. Et voilà, vous avez, c'est bien parce que à chaque fois qu'elle est là, vous savez qu'on est nouveau à l'antenne. Vous entendez le petit rire de Marine qui arrive derrière et ça veut dire ah, elle rigole encore. Elle a très joli rire, donc on y a droit pendant les pauses. Quoi, j'ai le droit de dire ça? En plus, je prends ma voix comme ça, un peu suave quand je dis ce genre de choses. Donc, vous êtes bien toujours à l'écoute de Radio Libertaire, mission de Bulle de rêve avec Florentine Grelier, Olivier Catrin, Florin Delporte, Marine Blin, Morgane Fraschina, Jérôme Périlla et Juliette Loubière. Juliette, toi, tu n'as pas fait l'MK. Écoutez, c'est un bon début. Moi, je trouve que c'est un bon début. Toi, t'as fait l'ENSAD. Ouais. Et t'as fait... déjà, rien que ton film de fin d'études, t'étais déjà, tu travaillais déjà avec les enfants. Bah, ça a commencé, t'a poussé, ça a voilà. commencé comme ça. Hein. Ouais. Donc, tu peux nous parler un peu de la leçon des choses qui avaient été faites très rapidement avant qu'on parle évidemment du nouveau film. Oui, pour resituer un peu les choses. Donc, je suis une vieille des Arts Déco. Je fais partie de la première... Avec Sébastien Lodenbach, oui, c'est oui, ça, Marie hein, Pacou, oui. Claire Fouquet, enfin plein de gens. Mais c'était la première formation, la première fois qu'il y avait un diplôme d'animation aux Arts Déco. Que des stars hein, quand ils sont sortis. Et donc j'ai fait un film de fin d'études. On parle de documentaire bientôt et d'animation au Forum des Images. Et en fait, maintenant je dis que c'est un documentaire d'animation parce que ce sont des interviews de petits enfants de 4 ans que j'ai mis en scène en animation. Donc il y a quand même un caractère documentaire évident. Ouais. Voilà. C'est encore plus documentaire parce que ça te parle comment on fait les bébés. Ouais, je leur ai demandé leur point de vue sur la question comment on fait les bébés. Et puis voilà, bah, c'est très naturellement le contact avec les enfants pour faire ce film m'a beaucoup plu et je suis allée vers les ateliers. Voilà, c'est vrai que j'en ai fait beaucoup à la suite de ce film. Toi, Florentine, la leçon des choses, c'est un film qu'on voit. La leçon de choses. Pas des choses. C'était Olivier Catrin qui avait juré de me reprendre en plein milieu de l'émission. J'adore faire ça. Et en plus, il a bien fait, parce que j'ai fait une erreur, donc en effet, et que raison. Juliette ne m'a même pas repris, elle a attendu, ils ont fait un clin d'œil avec Olivier. Une leçon donc, de choses, c'est l'ancien terme pour la leçon de biologie. Quoi. Donc, leçon de choses. Florentine, c'est un film qu'on voit, que tu avais vu toi avant ou pas, parce que maintenant que toi, oui. Tu fais des ateliers ou quoi, parce que. Pas là des premiers, il y en a d'autres, mais quand même, c'est un film un peu important qu'on a oui, vu pas mal. Bah, je l'avais vu au tout début de mes études d'animation sur Internet, il me semble. C'est un film qui m'avait marqué. C'est un des films que j'aimais beaucoup et c'est un des films aussi qui m'avait fait regarder un peu les Arts Déco de plus près, parmi les films de fin d'études qui étaient sortis. Donc, ouais. Mais je pense qu'il a pas mal tourné sur Internet. Enfin, moi, oui, il me semble bien que je l'ai vu sur Internet et qu'il avait pas mal tourné et que les étudiants le regardaient entre eux. Puis il est pas sur un DVD? Non, il n'y a pas au repéra. Il est distribué par Folimage. C'est ça, donc il est sur le DVD une quinzaine de compiles. Je ne sais plus du tout, mais il y a une compile tout à fait de films de Folimage. En fait, le film a eu quand même quelques succès en festival, et notamment au festival. À l'époque, à Hoche, ouais. Voilà. Et j'avais rencontré Jacques Rémy pendant ce festival. Jacques Rémy Girard, ouais. Voilà, qui m'avait dit j'aime beaucoup ton film, et qui m'avait proposé de le kinescoper, de le passer, puisqu'il était fait en film de fin d'études en vidéo, en 35 mm. Et évidemment, je l'ai rappelé, je l'ai pris au mot, et voilà. Oui. Je me suis retrouvée au catalogue de Folimage un petit peu, parce qu'il a eu un coup de cœur, je pense, tout simplement. Voilà. Non, c'est bien, c'était cette année-là où Sébastien Lodenbach avait fait journal, donc il y avait déjà ce côté un peu, en tout cas, prise directe avec une certaine vie, lui dans un journal, et toi avec une interview de. En fait, j'ai fini mon film une année après. Moi, j'ai pris 2 ans pour faire la leçon de choses et mon diplôme, voilà, mais on a commencé la formation ensemble. Donc, la leçon de choses, c'est quelle année? 98. Et qu'est-ce qui fait qu'on attend aussi longtemps pour faire un autre court-métrage? Bah ouais, c'est vrai ça. Il se passe plein de choses. La vie passe vite. On fait beaucoup d'ateliers. On s'amuse beaucoup dans les ateliers. Et puis, on se rend compte aussi au fur et à mesure que dans les films qu'on fait avec les enfants, on a vraiment envie de s'impliquer de plus en plus. Ensuite, on développe des projets, on écrit. Je sais pas pourquoi je parle à la troisième personne. J'ai écrit des scénarios, des projets qui n'ont pas retenu d'attention, voilà. J'ai écrit pendant plusieurs années. Et puis, en 2006... Le projet le plus récent que j'avais écrit a commencé un petit peu à remporter l'attention de Centre Images pour commencer du concours de projet à Annecy. Et puis voilà, en fait, il y a eu 5 années où j'ai écrit des projets qui ne se sont pas montés. Donc il ne faut pas perdre, enfin, ouais. Espoir. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut toujours, si on a envie de faire quelque chose... Ça peut être long, ouais. Ça ouais, peut ouais. être très long de continuer. Il y a eu aussi l'envie de ne pas faire que des ateliers et de travailler en production. Il y a eu Persepolis, qui m'a quand même occupé une année. J'étais un des nombreuses personnes, une des nombreuses personnes qui constituait l'équipe du film. Donc voilà. Et pendant que je travaillais sur Persepolis, je continuais à écrire. Donc c'est ça. Toi, tu t'es pas, on parlait tout à l'heure, pendant tout le long, tu continuais à écrire quand même en rentrant ou des moments donnés de libre, t'essayais de continuer toujours à cultiver ça. J'ai pas enchaîné des boulots de production l'un après l'autre comme ça. J'ai eu des contrats où j'étais occupée, où je pouvais pas, j'avais pas l'énergie pour écrire. Mais sur Persepolis, j'étais traceuse. D'accord. C'est hyper zen. Et ça, vraiment, c'est pas un poste à responsabilité que j'avais. Et c'est vrai que le soir et les week-ends, j'écrivais. Ouais, t'avais l'envie. Scénario, à fond. Et on était déjà avec le producteur à Rennes, JPL Film, en recherche de financement à l'époque où j'étais sur Persepolis. Donc c'est ça, t'as eu JPL Film, parce que moi au début, je me suis dit, tiens, elle fait un film sur une maison de retraite, donc elle va voir Olivier Catrin et les trois ours. Ouais, il fallait, je suis désolé, mais il fallait. Et en fait, non, c'était une autre société avant. Comme c'est du volume. Donc pourquoi tant de temps entre le premier et le deuxième film? Parce que au moment où on a commencé sur le film là, qui est devenu Citrouille et Vieille Dentelle, c'était en 2006. Donc le projet était long à se monter aussi. Voilà. Oui. Alors c'est pas du volume la leçon de choses. T'as pas travaillé sur des choses. C'est pourquoi d'un seul coup l'envie de travailler sur des marionnettes et avoir quelque chose. Oui, je suis pas quelqu'un qui est dans le volume particulièrement. T'as tout à fait raison. C'est pour ça que je suis allée voir JPL Film, parce que pour moi c'était le spécialiste qui pouvait m'aider. Je n'avais pas le réseau et les connaissances pour former une équipe de qui travaille en volume. Moi j'aime vraiment varier les sujets, les techniques. C'est-à-dire pour toi ça allait avec le film. C'est-à-dire que quand t'as écrit, tu t'es dit ah bah tiens justement parce que on parle plutôt cinéma et l'idée n'est pas forcément, mais la technique fonctionnait bien en fait, comme si tu choisis des acteurs particuliers pour aller avec l'histoire. Je pouvais pas imaginer une autre technique pour cette histoire que je voulais raconter, et j'ai commencé d'ailleurs par des petits modelages au départ et faire une espèce de galerie de portraits de vieilles personnes, de papy, de mamie, avec qui je donnais une personnalité. Moi je trahis le secret du film entre guillemets, mais chaque personnage est un héros de conte de fées à la retraite, et je voulais vraiment leur donner une existence, et je voyais pas quoi de mieux que avoir une marionnette à l'écran, quoi. C'est vraiment saisissant. Le dessin animé, ça bouge, ça peut se déformer. Je voulais vraiment avoir des personnalités qui viennent saisir le spectateur, et voilà. Donc j'avais pas d'autres techniques possibles pour moi. Juste quand on n'a pas fait forcément une technique, quand on va voir un producteur qui est spécialiste dans cette technique, mais nous on ne connaît pas forcément, qu'est-ce que dit le producteur? Ça paraît évident, il regarde le scénar, le projet, il fait de suite c'est génial, ou il fait oui mais t'as jamais fait, comment ça va se passer? Comment ça se passe avec le... Non, je sais pas. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de. Il n'a pas réagi comme ça. Non. Il a fait. Il a un coup de cœur pour le projet. Et... Voilà. Avec le recul, maintenant, je traduis par oulala, tu as 15 personnages, c'est absolument infinançable. Oui, c'était ça à la base. Parce qu'en fait, il y avait même, quand tu t'as présenté à Bru le making of, c'était même, il y avait même encore plus. Enfin, c'était de la folie. Il y avait 12 retraités, il n'y en a plus que 6 au final dans le film. Voilà, et il y avait ensuite du personnel dans la maison de retraite, le héros qui est un photographe. Donc on est passé de 15 personnages à 9. Et déjà c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup, ouais, c'est ça. Ouais. Donc oui, au début je me suis rien interdit, ce qui est normal, et je considère que c'est ça qu'il faut faire quand on écrit. Il faut se lâcher, il faut mettre sur le papier, et après il faut retrancher, ok. J'ai beaucoup retranché. Ouais, ça a été... À plein d'étapes différentes. Mais oui, au début je ne me rendais pas compte effectivement que c'était bien trop de personnages, mais c'est normal aussi. Donc oui, j'avais cette inexpérience du volume, c'est sûr. C'est une coproduction. Comment les trois ours rentrent en place, tu connais évidemment Juliette pour la leçon de choses, tu la connais pour voilà les ateliers. Qu'est-ce qu'on s'est rencontré à Auch quand elle a présenté la leçon de choses. Ouais. Ouais, c'est vrai, on est des vieux amis. Et donc comment ça se passe, juste parce que donc elle vient de voir en disant. Même pas. En fait, c'est son producteur qui est venu me voir un jour. On avait envie de travailler ensemble avec Jean-Pierre Lemoulin, donc VPL Film. Ouais. Après, je lui avais proposé un projet, mais finalement, ça s'est pas fait. Et donc, il m'a appelé à un moment donné. Il m'a dit, j'ai un projet avec Juliette Houbière. Bah oui, je connais bien Juliette. Et puis, donc, il avait encore une insuffisance de financement. Ouais. Donc, c'était l'occasion pour lui d'avoir un complément de financement avec la région Poitou-Charentes. Donc, il m'a proposé ça. Et d'un autre côté, il a appelé Juliette, qui apparemment avait l'air contente de pouvoir travailler avec les Trois Ours aussi. Ouais, c'était une demande aussi de ma part, voilà, de travailler avec les Trois Ours. C'était vraiment une volonté. Mmh. Et voilà, donc j'ai suivi parce que, à la fois, j'avais envie de travailler avec Jean-Pierre et avec Juliette. Donc, on a essayé de faire ce qu'on a pu pour que le film se monte, parce qu'en fait, il était encore bloqué. Oui, il n'y avait pas encore le budget nécessaire pour pouvoir faire le film, malgré JPL Film, Centre Image, l'Office National du Film du Canada. Jusqu'à l'ONF. Il y a eu plein de moments où j'ai cru que le film n'allait pas se faire sur ces cinq années de recherche de financement. Il y a plein de moments où, et donc au moment où on allait commencer, donc ça devait être en 2009. Il fallait que les Trois Ours obtiennent une aide, sinon ça s'arrêtait net, quoi. Et ils l'ont eu, et voilà. Et j'étais dans les starting blocks, et hop, on est parti, quoi. Ça devait être en septembre 2009. Juste, faut avoir. Je pose une question qui peut paraître un petit peu évidemment, mais faut avoir une confiance totale quand d'un seul coup quelqu'un vient, et on est presque un peu pas le dernier recours, mais quasiment, sinon le film peut s'arrêter. C'est un film sur lequel elle a travaillé pendant 3 ans. Quand on le présente à la région, etc., en tant que producteur, c'est ça l'importance d'un producteur aussi, c'est de pouvoir être tellement passionné par ses projets qu'on a envie de les défendre. Ben oui, on essaye, mais on n'y arrive pas toujours, malheureusement. Il y a des fois, on est déçu, on porte un projet, puis on n'arrive pas à le financer. Alors, pour des films, on peut quand même le faire parfois, de briques et de broc, mais pour d'autres, c'est absolument impossible. En l'occurrence, le film de Juliette, c'était impossible de le faire sans le financement, parce que ça met en branle toute une mécanique, quoi. Il y a vraiment des coûts importants, le décor, la marionnette et tout, l'animation, tout ça, c'est énorme. Donc, il y avait vraiment pas le choix, quoi. On retravaille beaucoup. Il y a une mise en scène qui est très travaillée. On est dans du volume, travaillé tout le temps. T'as refait plein de storyboards, plein de. Il y a le scénar, tu nous as dit que t'as retranché beaucoup de choses, mais aussi au niveau. J'ai beaucoup travaillé, et quand Olivier est arrivé, en fait, j'ai une dernière fois retravaillé le scénario en prenant une co-scénariste. Merci Isabelle Bautier, parce que je m'étais un peu épuisée au bout de plusieurs années d'écriture seule. On tourne en rond, je voyais bien. J'allais chercher des pistes qui étaient moins bonnes qu'avant. Enfin, bref, on a repris, on a recentré, et ça, c'était très utile. Et les Trois Ours sont arrivés aussi avec cette fraîcheur d'un regard nouveau, et puis des observations, ça m'a beaucoup aidé. J'avais vraiment besoin de ça. Et c'était quoi la question? Non, mais c'est très bien. Les questions sont faites pour. C'est des réponses importantes. Donc, même en tournage, finalement. Il y avait beaucoup de storyboards, voilà. Donc, j'ai réécrit pas mal. Et comme à chaque fois que j'écrivais une version, j'attendais qu'on arrive à le financer et à le commencer, j'ai fait des storyboards suivant d'autres versions. Il y a 8 storyboards, 8 animatiques, je crois. Différents. Qu'est-ce qu'il fait quand même? 9 minutes. 9 minutes, d'accord. Juste, dans ce que tu disais, c'est pour ça que je pensais à une autre question. C'était ces personnages, tu disais que tu les voulais en volume aussi, tu voulais. Est-ce qu'on vit avec eux donc pendant ces 5 ans? Ouais. Ces personnages, ils sont un peu partout chez soi. Accrochés. Voilà, c'est ça, ils sont. Oui, bien sûr. Ouais, pour les sentir vivre. Est-ce qu'à un moment donné, en volume, on dit beaucoup ça, mais je suis persuadé qu'un peu partout, on les sent vivre sans nous un petit peu, et on se dit, tiens, il fait des petites choses. C'est, comment il s'appelle ça, ce réalisateur, Aria? Non, pas Aria. Barry Purves, pardon, Barry Purves. Ah, qui, qui dit que. Je ne parle pas de Barry. Et qui dit, non, mais qui dit, par exemple, qu'il se rend compte que des fois, ses personnages un peu lui échappent, ou que même chaque animateur prend un peu une personnalité. D'un personnage, genre de choses. Est-ce que toi, t'as ressenti ce genre de choses? Oui, Barry. non, mais. On... Quand il en parle, c'est complètement magique. Non, mais moi j'ai, c'est pas pareil. Il parle de ça, je pense, quand il anime ses personnages. Là, j'étais dans un stade de développement, d'écriture, etc. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Mais oui, pendant pas mal d'années. Enfin, les personnages qui ont été créés, le design, on va dire, n'a quasiment pas bougé. Pour tous les retraités, le héros, voilà, a évolué un petit peu, mais les autres, ça a été fixé très tôt. Et je pense que c'est ça qui a retenu aussi l'attention des premières personnes qui ont eu j'avais envie de financer et de faire confiance au projet. Il y a quelque chose qui a retenu l'attention là-dessus. Et l'écriture n'était pas à la hauteur au départ, en tout cas. Donc il y a eu du travail. Et donc, bien j'ai retravaillé le scénario, j'ai refait des animatiques. Donc j'ai vécu, oui, avec ces personnages pendant des années, c'est sûr. Non, on a besoin d'être accroché à, ouais, eux, et en fait, mais de les aimer, c'est... Je pense à des réalisateurs qui voient leur projet difficilement financé, puis qui n'attendent même pas autant de temps que moi, mais qui au bout de 2 ans arrivent parfois à avoir l'argent, et puis j'ai changé d'idée, j'ai plus du tout envie de raconter cette histoire, je suis passée à autre chose. C'est pas du tout facile. Il se trouve que moi j'avais quelque chose vraiment en tête depuis longtemps, et je suis restée tenace dessus. Voilà, le film a beaucoup, l'histoire a beaucoup évolué en bien au fil des réécritures, mais l'idée de base, le centre, vraiment, il est resté là, quoi. C'est une chance quelque part. Parce que heureusement que j'avais encore de l'énergie à donner quand on est rentré en production. Il en a fallu. Oui. Alors c'est toujours un peu dur, évidemment, de parler d'un film qu'on ne peut pas voir, en tout cas qu'on peut voir en festival, si, mais qu'on peut voir sur Internet. Non, mais là, par exemple, je parle aux gens, donc vous pouvez aller voir, c'est Citrouille et Vieille Dentelle. Déjà, allez voir, il y a un blog qui est absolument formidable, avec, ouais, plein de making-of, avec plein de choses, donc qui est vraiment très bien fait. Je m'efforce d'entretenir et de continuer à développer un blog. J'ai commencé parce que j'ai fini le film à l'ONF à Montréal, et l'idée de ce voyage, je suis restée 5 semaines là-bas, voilà, je me suis dit, je vais avoir un petit peu de temps quand même. J'ai commencé un blog pour que, voilà, l'équipe qui a rester en France puisse suivre un petit peu tout ce qu'on faisait. Je crois que j'ai fait des posts voilà, presque tous les jours pour raconter des petites anecdotes, tant sur le film que sur l'aventure ONF. Et puis là, je continue. Donc, c'est complètement dans le désordre. J'ai commencé par parler de la post-production son que j'ai fait à Montréal. Voilà. Et puis là, je reprends un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la production, c'est-à-dire dès qu'on est rentré en production, la fabrication, le tournage. Bientôt, je vais aborder ce qu'on a fait en post-production. Et ensuite, je reviendrai sur le développement. Donc, c'est complètement le désordre. Mais chacun, ça donne une idée comme, voilà, ça. Et puis, peut trouver donc, des petits... Si vous regardez un Citrouille et Vieille Dentelle, Juliette Loubière, Loubieres, vous tapez et là en ce moment, voilà, vous pouvez. Non, avec un S, Loubière, voilà. Donc c'est bon, là vous êtes, voilà. Et là vous faites la recherche, et là voilà, vous avez normalement le. Oui, si on tape Juliette Loubière, on trouve mon webbook et il y a un trouve, lien vers, voilà, le. On trouve assez facilement. À Brut, t'as proposé quelque chose qui était assez étonnant et qui était l'une des premières fois où moi j'ai vu ça, un making-of où pour une fois on n'avait pas un animateur qui nous rappelait comment était fait un film ou comment il avait animé, comment, mais c'était la musicienne. Qui était venue, et c'était assez passionnant. Elle racontait comment elle avait composé la musique, et il y avait quelque chose d'assez passionnant de voir quelqu'un qui nous disait, ah ben alors voilà, là il y a ce personnage, et puis donc j'ai voulu mettre tel son, et nous raconter des boucles, ou de nous dire, ben, j'ai voulu faire tel thème. C'est quelque chose, c'est quelqu'un avec qui tu travailles, je crois, depuis un bout de temps. Tu nous en parles un peu de Tiziana de Carolis, qui est d'origine italienne, et qui a fait la musique de mon film de fin d'études, que j'ai rencontré quand j'étais aux Arts Déco, avec une très bonne initiative des enseignants de faire se rencontrer des étudiants en musique de film et des étudiants d'animation. Et ça a été une super rencontre. J'ai adoré travailler avec elle, et j'avais qu'une envie, c'était de remettre ça. Et voilà. Donc 10 ans après, c'est ça, tu lui as dit, oui. Ok, je vais faire un film bientôt, tu restes dans un... Pas 10 ans après, en 2006. En 2006, d'accord. Elle a été en fait la première personne avec qui j'ai collaboré sur ce film, étonnamment. Voilà. Et le film a tellement évolué que elle a dû suivre, évidemment. Elle a beaucoup composé. Elle a beaucoup, j'ai fait beaucoup travailler. Tu l'appelais en disant, je suis désolée, ce que t'as composé... J'ai encore enlevé mois, une minute. Fini, voilà, c'est ça. À la fin, c'était ça. Au début, c'était bon, j'ai enlevé un personnage, donc voilà, c'était plus du travail de plus en profondeur. Et oui, à Bruges, j'ai trouvé ça intéressant puisqu'on m'a demandé de venir un petit peu faire une démonstration ou un making of quelque chose. Et je me suis dit, mince, c'est pas souvent qu'on donne la parole aux musiciens et qu'on éclaire un petit peu ça sur les films d'animation. Tiziana, elle parle très bien de ce qu'elle fait. Et c'était plus sympa aussi d'être deux à présenter les choses. Puis j'avais pas envie d'être ennuyeuse à dire voilà, alors j'ai fait mon film patati patata. J'avais peur de rééditer un peu des choses que j'ai pu déjà entendre moi-même en tant que spectateur, mais j'aime bien qu'on m'ouvre une petite porte nouvelle aussi. En tout cas, si vous avez un festival, juste je vous conseille de demander le duo, parce que je trouvais que ça fonctionnait bien et je trouvais que c'était intéressant de voir justement de changer et d'avoir de donner la parole aux musiciens. On sait à quel point la musique est absolument primordiale, évidemment, dans le cinéma en général, mais en animation encore plus, à quel point ça apporte énormément. Quand on t'envoie un dossier, alors on va mettre un peu de côté Juliette qui nous a expliqué que c'était aussi passé, en fait, tu nous as expliqué par JPL. Quand tu reçois un dossier de Florentine ou de Jérôme, ça arrive comment? Est-ce que c'est des dossiers dont Jérôme nous l'a dit, Florentine, c'était un peu différent. Comment s'est passé pour les deux, puisqu'ils sont là? Ben, de façon très différente, puisque oui, Florentine, c'est moi qui suis allé la voir. je connaissais son projet, puisqu'il était passé à ce que j'avais organisé à l'AFCA, qui s'appelait, je ne me rappelle même plus comment d'ailleurs. Qui était des lectures de scénarios, ouais, c'est ça. Enfin, l'idée, c'était d'offrir l'opportunité à des gens qui avaient un projet de film, d'être lus par des professionnels, et d'être reçus par eux, et d'avoir une discussion avec eux. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai connu le projet de Florentine et Florentine. Tu la connaissais pas avant, elle était partout. Non, je crois pas, non. Enfin, elle était encore. J'ai peut-être croisé à l'Animathèque, je sais pas, c'est possible. Ouais. Voilà. Et en fait, le projet n'était pas encore tout à fait au point à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais été intéressé par le projet sur le principe et séduit par Florentine. Et donc, je me suis dit, quand j'ai créé les trois ours, je me suis dit, on va voir ce que devient ce projet. Et le projet avait beaucoup progressé, ouais, et Florentine était toujours très bien, donc c'est plus un choix de personne finalement avant tout. Donc un choix de personne avant l'histoire, sinon ce qui m'intéresse, tu vas parler par rapport à Jérôme, on sait bien que l'animation, et même si on ne veut pas en parler, même si j'essaie d'en parler le moins possible évidemment à ce micro, pas technique, mais aussi en effet comme tu dis, par exemple un coup de cœur sur une personne, quelqu'un que tu connais, qui voit, mais quand tu regardes, je sais pas, quand elle te parle du, il y a quand même déjà quelques éléments graphiques, parce que c'est complètement différent de son film de fin d'études, qui était, alors là c'est l'inverse, qui était en volume, et elle passe à mon titre à quelque chose de différent. Comment ça se passe? On voyait dans son film de fin d'études qu'il y avait un talent, donc je voulais retrouver ça aussi dans ce premier projet. Enfin, c'était pas vraiment un projet professionnel, c'est entre les deux, quoi. Mais en tous les cas, j'avais envie de l'accompagner. Je sentais un talent, une personnalité, j'ai pas été déçu, au contraire. On va arrêter de parler là-bas. Maintenant, il y a des compliments sur Jérôme. Voilà. Alors Jérôme, c'est tout à fait différent, puisque Jérôme, je le connaissais pas. Jérôme connaissait Serge Elissade, donc lui a envoyé un scénario. D'accord, scénario uniquement. Je le connaissais, je l'avais eu comme intervenant une semaine ou deux à l'MK. Voilà. Donc je le connaissais, sinon pas plus que ça. J'avais eu une bonne, je connaissais ses films, par contre, ou certains, je les ai pas tous vus non plus. on le coupera quand. J'avais fait un stage au film de la Requin. J'étais stagiaire sur l'homme de la lune. Voilà. Et donc pourquoi tu nous l'as dit tout à l'heure, pourquoi plutôt les trois ours que l'Arlequin? Tu connaissais, t'aurais pu demander. Parce que c'est intéressant de voir un choix. Non, c'est compliqué. Sans aller dans les détails, c'est compliqué. Non, mais réellement, je connaissais pas mal de. Au final, quand j'ai contacté Serge, je crois que les trois ours avaient une année. Ça faisait à peu près un an qu'ils existaient. Et je connaissais au final quelques-uns des réalisateurs qu'ils produisaient, justement. Donc j'avais quelques échos qui étaient très positifs, et puis voilà, je voyais comment ça se passait, ça avait l'air d'être bien. Parce qu'il est évident qu'il y a plus de et c'est pas du tout dénigrer le travail de quelqu'un d'autre, mais c'est évident qu'il y a plus de diversité dans la production des Trois Ours, par exemple, que dans ceux de l'Arlequin, de Monsieur Lio. Quand je parle, non, mais même au niveau technique, au niveau de ce qu'il y a, peut-être qu'il y a Serge qui est Lissal qui est un petit peu, mais c'est vrai que c'est souvent des films qui peuvent être pas mal de peintures animées, il y a pas mal de projets assez longs, et on reste dans une. Il y a des choses très diverses, c'est vrai, dans ce qu'on voit. Mais je ne suis pas sûr que ce soit l'élément décisif. Je pense qu'en l'occurrence, effectivement, le fait que Jérôme connaisse Serge est important, et puis probablement le bouche à oreille. Le bouche à oreille, et puis le fait, après, ça se fait aussi par. Pour parler d'un projet qui nous tient à cœur, il faut aussi que Dora, je ne sais plus son nom de famille, je l'aime beaucoup, c'était un super stage, mais c'est vrai que d'emblée comme ça, c'était pas la première personne que je pensais pour aller pour sortir des trucs un peu, quelque chose qu'on a travaillé pendant quelques mois et qui nous tient à cœur, quoi. Parce que c'est une histoire de personne aussi, quand même. Parce que c'est compliqué d'avoir un projet finalement personnel et de se dire, parce qu'il y a de plus en plus de maisons de production, de sociétés de production en France, donc ça doit être, c'est pour ça que je posais la question, ça doit être évident de se dire, je peux pas non plus avoir 25 personnes, les 25 studios, 30 studios, il faut déjà que j'essaye de cibler. Juliette, tu voulais Ben moi je serais peut-être allée voir les Trois Ours avec mon projet, mais en 2010 ils n'existaient pas. Oui, donc c'était un petit peu puis avec JPL, comme tu avais quelque chose de solide au niveau du volume de suite, c'est-à-dire que t'es arrivé, c'était le premier projet en volume ou Oui. Ah, c'est ça, hein, des Trois Ours. C'était... D'ailleurs, on a dit à Juliette, on n'y connaît rien en volume. Ça m'a tout de suite rassuré. Et après le film de Juliette, vous faites plus de films en volume. Si. Justement, ouais. C'est vrai, vous repartez sur un... Non, pas avec moi, mais je sais, confondant, puisque c'est avec Juliette. Avec une autre Juliette. Ouais. Qui est en tournage actuellement, Juliette Marchand. D'accord. Et Laurence Arcadias, qui sont en tournage actuellement à Centre Images. Juliette Marchand, qui a fait aussi pas mal d'ateliers, non ? Oui, aussi. Juliette Marchand, oui, aussi, l'atelier pour enfants. Donc voilà, donc, Juliette Loubière, Juliette Marchand, Florentine Grelier, si vous faites des films d'étudiants, allez voir des films d'ateliers, allez voir Les Trois Ours. Ils ont besoin d'aimer ça et de pouvoir, voilà. Quand Jérôme t'envoie son dossier, il y a que le scénar ou il y a déjà des recherches? Non, il y a des graphismes aussi, oui, bien sûr. Ouais. Donc il y a un univers ensemble. Il y a eu un certain nombre d'échanges autour du scénario pendant quelques mois, on va dire. Oui. Puis c'est tombé un peu pendant l'été. Donc après, il y a eu quelques mois d'attente un petit peu. Et puis et j'ai fait des corrections justement parce que les que ce soit Serge ou Olivier m'ont pointé du doigt certaines choses qui étaient effectivement peut-être plus faibles. Et aussi le comment bien présenter aussi un dossier pour le CNC, que ce soit compréhensible, que ce soit et le mettre en valeur aussi, c'est enfin et on a besoin d'un enfin le travail d'un producteur, c'est aussi de pouvoir après le défendre ce projet, donc voilà, il y a eu des échanges comme ça entre moi. Comment ça se travaille, vous êtes que deux, il y a Serge Lissal et toi qui les courts-métrages, c'est nous deux, d'accord. Comment ça se passe si vous êtes pas d'accord sur un... Alors, se battre. Alors, oui, c'est pour souvent, ça, en fait. Je voulais en arriver là. Est-ce que... Alors, il peut y avoir des gens qui s'adressent directement à Serge, mais souvent, quand on adresse aux Trois Ours, on tombe sur moi. C'est moi qui reçois le scénario et c'est moi qui fais un premier tri. Donc, il y a des scénarios auxquels je dis non d'emblée. D'accord. Je les envoie même pas à Serge. Et ensuite, il y a des scénarios qui me semblent intéressants ou sur lesquels il peut y avoir un travail et j'envoie à Serge. Et en fonction du retour de Serge, on continue ou on continue pas. Voilà. Si Serge me dit, moi, ça m'intéresse absolument pas, en ce moment, on arrête. Sauf si vraiment ça me plaît beaucoup, éventuellement, on peut... voilà. Mais il peut y avoir des projets qui plaisent beaucoup à l'un et un peu moins à l'autre, et à ce moment-là, on peut y aller. Voilà, c'est pas forcément... on se laisse une marge de manœuvre, si tu veux. Ça veut dire que comme toi, t'es le premier... t'es le premier barrage. Si jamais t'aimes pas forcément le projet, mais tu dis ça peut plaire à Serge, tu le connais, vous connaissez, du Dieu, bah tiens, je vais quand même lui faire lire, même si je suis pas complètement sûr de ce projet. Est-ce que tu te laisses une marge en disant oui, et en fait, on verra bien ce qu'il va me dire. C'est-à-dire, il y a deux choses différentes. Il y a un projet qui m'intéresse absolument pas. À ce moment-là, c'est non. Après, il y a des projets dont je me dis c'est pas ça, mais peut-être que ça pourrait. Et à ce moment-là, je demande l'avis à Serge. Est-ce que tu pourrais avoir un projet où tu dis non, c'est pas tellement ça, mais ça va plaire à Serge, non ? Non. Donc c'est vraiment toi le premier. Comme ça, on sait. Donc moi, tu vois, Jérôme, tu sais que déjà, t'avais passé le premier barrage. Bah, non, t'étais voir Serge directement. Il envoyait directement à Serge. Mais Serge, il y a des gens qui s'adressent directement à Serge parce qu'ils le connaissent. Et Serge fait la même chose aussi. Il m'envoie pas systématiquement les projets qu'il reçoit. Donc, pour envoyer aux Trois Ours, faut envoyer aux deux. Envoyez et Olivier Catrin, comme ça vous avez peut-être plus de chance. Il y en a, lis-le quand même, ça me plaît bien. Ah, oh, moi je l'avais jeté, bon ben, on va en reparler alors, pourquoi t'as trouvé ça bien? Et, sérieusement, c'est quand on regarde la production. C'est-à-dire que quand on regarde aujourd'hui les boîtes de prod qu'il y a, en France, on voit de la diversité, mais il y a quand même des choses qui se ressemblent, on va dire. Il y a des produits, qui sont par exemple, je dis des produits, il y a des films qui vont être très bien finis, comment il s'appelle, Sacre Bleu, par exemple, production, on va sentir qu'il y a quelque chose, il aime bien quand même avoir quelque chose de, voilà, d'assez nickel, il va y avoir autre chose chez d'autres producteurs, comme les films de l'Arlequin, ou ce genre de choses, on va avoir, faut que je cite évidemment Papy 3D, je peux pas faire autrement, c'est dans mon contrat, donc Papy 3D, ou alors là, on va voir, parce que c'est un collectif de réalisateurs, donc chaque réalisateur va plus ou moins donner, vous, on sent en effet, il peut y avoir des choses très abstraites, comme Saison Mutante par exemple, ou des choses très très scénarisées, où en effet le projet par exemple, on va finir de toute façon sur Kiki de Montparnasse, donc s'appelle les Montparnasse, voilà, j'ai jamais réussi à dire ce titre. Pourtant, je l'ai noté, Kiki les Montparnasse. qui est alors là avec plein de choses complètement différentes dedans. Comment ça se... c'est une volonté ou non? C'est vraiment juste un coup de bol qu'il y ait autant de diversité. Enfin, un coup de bol, c'est ta personnalité, celle de Serge, et voilà. Oui, on fonctionne sur un peu des coups de cœur. Donc effectivement, on n'a pas forcément l'idée d'une ligne éditoriale comme ça. Donc et on a envie de diversité en plus. Tu vas chercher des gens des fois? Oui, bien sûr. Leur dire... Il y a des gens avec qui j'ai envie de travailler que je vais chercher. Est-ce que les gens qui ont du talent, comme Valérie Pierson, comme... Oui, par exemple. tu vas les voir et tu leur dis... Ouais, je le sais, projet, c'est pour ça que je le dis. Et t'hésites pas à dire, voilà. Oui, bien sûr. Oui, y a des gens à qui j'ai dit que j'aimerais travailler avec eux. Après ça, ils me proposent quelque chose ou pas, mais voilà. Est-ce que c'est toi le plus directif ou Serge? Au niveau du truc, c'est-à-dire que quand on travaille sur un scénar... Jérôme s'est éloigné, Florentine aussi, les deux sont éloignés du truc. Ça, je vais pas avoir de problème, c'est encore mon prod. Je pense qu'on a, on n'a pas exactement le même positionnement parce que Serge est, d'abord c'est avant tout un réalisateur, Serge. Donc lui, il a 15 années d'expérience en tant que réalisateur avec un producteur. Donc il se pose plus de questions, je pense, dans son positionnement de producteur que moi. Donc il est en même temps il est plus précis peut-être sur le scénario. Il est plus scénariste, moi je suis pas scénariste, donc j'ai un regard très extérieur. Je suis capable de voir un projet dans sa globalité, de voir ce qui fonctionne pas, mais je suis pas du tout capable de trouver des solutions souvent. Est-ce que justement, Jérôme, ça c'est lui, dur. Oui. Juliette, je sais pas si toi t'as eu beaucoup de rapport par rapport à Serge, vous deux, est-ce que c'est dur des fois quand d'un seul coup on a un scénar et puis d'un seul coup c'est barré où il y a Serge Elissane. On fait pas ça. C'est plus subtil. Qui dit là à la quatrième ligne au moment donné, c'est pas agressif. Est-ce que ça fonctionne pas? Non, mais sans être agressif, c'est normal, c'est son rôle aussi. D'un seul coup, il a une vision de voir de faire les choses aussi. Enfin, c'est un peu normal. C'est comme on pourra en parler rapidement. Avec les profs et on pourra en parler. C'est juste des fois de se dire c'est une vision des choses, comment on l'accepte, comment on travaille. Alors d'abord Juliette. C'est pas du tout agressif comme ça, c'est pas marré au rouge heureusement. et puis ça fait partie aussi je pense du travail du producteur de savoir aussi amener ses commentaires sans annihiler complètement les possibilités du réalisateur, parce que tu peux le démolir aussi, donc le but du jeu n'est pas là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Dit-elle en regardant Olivier pour approbation. Il y a des discussions, il y a une écoute. Dans mon cas, ça a été particulier parce que j'avais 3 coproducteurs. Là, ça devient drôle parce que il y en a un qui dit oh, ça génial, t'y touches plus, et celui d'à côté te dit oh, tout va bien, mais alors là, c'est nul. Donc, et comment on fait dans ces cas-là? Ben justement, moi j'ai trouvé ça bien parce que si t'as qu'un seul interlocuteur qui dit moi je suis convaincu que là il y a quelque chose à retravailler, que ça va pas. T'as tendance à te remettre en question là-dessus. Puis quand t'as des avis complètement contradictoires, tu es obligé de te faire confiance à toi-même et ça te renvoie beaucoup plus. Donc finalement, j'ai trouvé ça. Donc c'est ça. Donc le fait d'avoir plusieurs personnes, c'est toi qui décidais. J'étais bien obligée. Il fallait après. C'est surtout sur la fin du film d'ailleurs que t'as eu des avis très contradictoires. Très contradictoires. Oui, on en parlera pas, mais c'est vrai que c'est une fin qui est. Enfin voilà. Sur la fin, sur le film. D'accord. Presque terminé, quoi. La finalisation du film. Sur la finalisation du film, d'accord. Oui. Au niveau du montage, au niveau de. Oui, des choses comme ça. Ok. Jérôme, tu voulais dire quelque chose? Pas forcément, hein, t'es pas. Non, mais sur cette histoire gérer les. Encore une fois, je sais bien que c'est pas négatif, mais comment on gère, en tant qu'auteur, on a écrit quelque chose, comment on gère finalement le rapport avec le producteur au niveau là du scénario même? Bah déjà le fait d'être allé voir les trois ours, c'était déjà dans le sens où j'avais l'impression que ils allaient pas essayer de s'accaparer à tout prix le projet. C'est une peur que j'avais pour un premier film, en n'ayant pas une expérience de la production incroyable, de me remettre énormément en question à ce niveau-là, et qu'un producteur on profite un peu pour s'accaparer le truc. Donc après, c'est peut-être une image que je me faisais mentalement. Mais donc voilà, donc les trois ours avec... Enfin moi, à l'époque, je connaissais que Serge un petit peu. Et j'avais l'impression que justement un dialogue pouvait s'installer, vu qu'il est réalisateur et vu que je connaissais ses films. Donc déjà à ce niveau-là, bon, j'avais confiance, d'accord, on va dire. Et mais ensuite, non, j'ai fonctionné de manière à, quand on me pointait quelque chose, essayer de passer le cap de non, surtout pas, c'est ce que je préférais, et essayer de voir si ça améliore pas les choses par rapport à l'idée de départ du film. Toujours revenir à ça et voir. Alors j'ai essayé. Après j'ai peut-être que j'ai pas toujours réussi. Ah, bon, peut-être obligé un peu comme. Voilà, mais dire, voilà, mais en tout cas j'ai essayé. Et avec vu qu'il a été après acheté par Arte, avec Hélène Vessière, il y a eu aussi ce travail-là. Et de cette manière, en fait, c'était assez intéressant de travailler. Justement, il y a eu des apports au scénario qui n'ont pas, je trouve, entaché l'idée de base et qui ont apporté ce que... Puis quand j'étais vraiment pas d'accord avec quelque chose, j'essayais d'argumenter pour... C'est-à-dire que tu savais quand tu étais dans une bonne argumentation, finalement, on sait quand un réalisateur tient tellement à une idée qu'on se dit « Oh là là !» Là, il argumente qu'il a l'air d'être sûr de lui. Oui, mais en fait, c'est un peu une autre logique, je dirais. C'est quand t'es producteur, t'essayes de... Le plus compliqué, c'est vraiment de comprendre ce qu'est le projet et ce que porte le réalisateur. Et c'est de l'aider à ce que ce qu'il a écrit reflète le mieux possible ça. Oui. On va pas dire ça c'est nul, ça c'est bien, ça n'a aucun sens. C'est d'arriver à avoir le projet le plus cohérent par rapport à ce que veut le réalisateur. Et c'est ça qui est délicat. Et parfois, tu peux avoir des projets qui sont bien, mais qui sont loin de toi, et tu peux pas arriver à faire ce travail-là. Juste ou avec la personnalité aussi, parce que c'est très important. Si tu arrives à comprendre la personnalité du réalisateur et à comprendre ce qu'il veut dire, etc., ça peut bloquer là-dessus. On a refusé des films simplement à cause de la parce personnalité. Parce qu'il y avait du réalisateur. Moi, je suis venue voir Olivier aussi parce que je le connaissais. J'étais à un stade un petit peu délicat. Ça pouvait très bien s'arrêter, ne pas marcher, etc. J'avais écrit plusieurs versions. Pour autant, j'ai essayé d'être à l'écoute parce que j'avais pas peur de ce qu'ils allaient aussi me dire, même s'il fallait encore travailler. Voilà. Je suis pas allé les voir aussi complètement par hasard. Morgane et Marine, c'est quelque chose qu'on apprend à l'MK ou à l'école sans que ce soit une question. Non, ça, il y a toujours le petit sourire là de dire c'est pas des questions pièges, mais est-ce que c'est des choses qu'on apprend? Je sais, hein, je travaille aussi, mais c'est juste de vous entendre. Est-ce que c'est des choses qu'on apprend déjà dès l'école et avec la difficulté d'avoir différents profs comme ça qui d'un seul coup se mettent dans le projet? Jérôme rigole beaucoup, donc je suppose que ça lui rappelle des choses. Forcément. Ouais. Morgane, je sais pas, ça dépend des gens en fait. Il y a des gens qui consultent beaucoup le monde autour d'eux pour avoir un avis sur le scénario, la mise en scène, etc. Il y a d'autres gens qui travaillent beaucoup plus seuls et qui ne montrent leur projet qu'une fois fini. Moi, j'ai tendance à beaucoup montrer. Et c'est vrai qu'il y a eu des périodes où je savais plus trop comment me positionner par rapport à tel ou tel choix. Et j'écoute ce qu'on me dit, mais voilà. Enfin, tu laisses reposer des fois un peu le projet en disant tiens, je reviens, je laisse un week-end et puis on verra bien. Et il y a des choses qui paraissent évidentes. C'est-à-dire que dans le projet, après Marine va répondre, mais est-ce que dans ton projet, est-ce qu'il y avait des choses que tu n'as jamais lâchées du début jusqu'à la fin en disant ça, je ne lâcherai absolument jamais, c'est le cœur même de mon projet. Oui, l'idée de base, elle est toujours là, quoi, parce que c'est un sentiment en fait. Donc c'est quelque chose qu'on vit. Bon, après, mon film, il est assez personnel, donc c'est forcément un petit bout de moi, donc ça je pourrais jamais le lâcher, c'est sûr. C'est des projets qui est le tien, on le connaît, on va pas en parler, vous allez le finir déjà et vous allez qui a une narration, mais on va dire qui est aussi beaucoup sur des ressentis. Ouais. Hein, donc ouais. C'est un peu plus difficile des fois de travailler. C'est pas évident. Sur des scénarios qui sont sur des ressentis. Si on prend le résumé qu'il y a du film de Jérôme, on est aussi là dans une narration qui a l'air assez forte. Hein, c'est un petit garçon qui, on va pas trop en dire, mais qui visiblement fait des rituels parce que, parce que sa famille dis-nous rapidement le truc. Mais je voulais le dire, mais d'un seul coup, je me rends compte que papa le pitch, mais en tout cas. Non, mais c'est un petit garçon qui essaye de cacher justement ses rituels et qui ne veut absolument pas qu'on le découvre. Et du coup, ce comment dire, joue un jeu qu'il ne devrait peut-être pas jouer. Et ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Prend beaucoup trop d'ampleur dans sa vie. Donc c'est un film sur sur un petit garçon en gros qui a des tocs. Mais je voulais, parce que j'ai vu pas mal de courts-métrages ou des choses qui traitaient de ce sujet-là. Et je voulais le traiter d'une manière différente, donc on verra si effectivement c'est différent ou pas. On verra ça dans Olivier. Donc combien de temps sera fini ? Ok, on parle pas de ça. Il y a un très joli film au passage, il y a un très joli film, pas sur un petit garçon qui a des tocs, mais un film qui s'appelle Tom, T.O.M, d'un réalisateur anglais qui a été fait sur un petit garçon qui va à l'école et qui, je vous laisse le découvrir, qui enlève... Voilà, ces avis. Il y en a un autre qui va être présenté, vous allez voir comment je prends la balle au bon, qui va être présenté en même temps que le film de Juliette Citrouille à Vieille Dentelle, en avant-première au Club de l'Étoile, le 11 mars. Donc les deux films sont présentés ensemble. C'est un film qui s'appelle Le Môme Tintouin, qui est produit par l'Ardux Film. Bon, alors évidemment, comme d'habitude, il nous reste très peu de temps, 3 minutes, c'est pas grave, on va chointer le générique de fin, en fait, quasiment, ça sera la dernière. Il y avait ou Samouraï Champloo, ou Funky Forest, Naïs Onomoli. Voilà, donc on va prendre Naïs Onomoli, Funky Forest, donc le tout dernier. Voilà, ou ça, enfin voilà, je te laisse faire. On va donc. Ça y est, c'est terrible de finir comme ça, parce que là, je voudrais citrouille et veille dentelle, donc de Juliette Loubière, le troisième œil de Jérôme Périlla, Florentine Grelier, tout simplement. On va attendre Marine, qui n'a pas répondu, et Morgane, Marine Blin, Morgane Fraschina, on les retrouve lundi. Au studio des Ursulines, à la place de Totoro, elles seront toutes les deux dans le rôle à la place avec Christian Arnaud qui va où vous pouvez les rencontrer, leur parler. Je pense que Johanna Lurie sera là, Guillaume Borracho qui a fait la poudrière, qui a fait l'MK avant et sera peut-être là aussi. Johanna a dit qu'elle l'a amené, donc il y aura peut-être une espèce de All-Star, vous savez, comme dans les trucs de basket là, avec les meilleurs joueurs, même s'ils sont tous un peu vieux, ils sont tous. Non, Johanna, c'est pas pour toi, j'ai ça. Et Guillaume, je le connais pas, donc je peux pas le dire, mais en tout cas tout le monde va se retrouver. C'est un bon moment aussi pour rencontrer un des étudiants qui sont en train de faire l'école, et juste de savoir si c'est une école qui peut fonctionner avec ce qu'on a envie de faire pour des futurs étudiants, des gens qu'on a envie. C'est vraiment une bonne occasion de rencontrer. Vous avez évidemment le mot de la fin, Florian, qui s'est tenu comme ça, qui avait plein de choses à dire. Et quoi, c'est quoi les prochains? Alors on va dire, précipitez-vous vraiment à lundi. C'est pas parce que, enfin là, je l'ai dit pour le Forum des Images, je le dirai à chaque fois, on a besoin de ce genre de rendez-vous, et voilà, ils sont importants aussi pour faire vivre juste qu'on voit de l'animation. Et si on peut essayer d'en parler ici, faut aussi, si on veut que les médias ailleurs en parlent, il faut bien des rendez-vous pour qu'ils voient de l'animation, sinon on parlera toujours de du chat du rabbin. Pardon, en relief, donc arrêtons de plaisanter avec des choses. Pour moi, ça peut être rigolo un jour. Voilà, donc Florian, c'est quoi après? On a l'MK, on a MK, les trois ours, quasiment certains, très très léger doute, mais a priori c'est bon, c'est Florence Miaille en avril. On a une grosse hésitation sur la pertinence de mai. On en parlait tout à l'heure avec Florentine Antenne, c'était sur le côté est-ce que Cannes a une influence ou pas au niveau du monde de l'animation sur la soirée Animal Indy, puisque ce sera en plein pendant. Donc est-ce que je décale d'une semaine ou pas, est-ce que carrément on fait sauter, c'est le genre de choses. Et puis en fait il faudrait qu'on voit pour juin, pareil, puisque ce serait dans la reprise de ce qui serait fait à Annecy. D'accord. Et n'ayant pas évidemment la prog pour l'instant d'Annecy, c'est compliqué de décider de quoi que ce soit. Donc voilà, là il faut être plus dans la réaction, et ce qui est aussi le principe même du rendez-vous. Il y a des choses que je peux caler un an et demi à l'avance, et d'autres choses que je dois un peu attraper au vol. Et ce que je dis, d'ailleurs j'en profite, c'est que c'est aussi quelque chose où on fait un appel à projet permanent, c'est-à-dire que voilà, vous avez des choses à montrer, on peut en parler. Génial. Olivier, t'as 30 secondes, de toute façon, donc dans un mois, ça sera les trois ours au sud des Ursulines. C'est super positif, ça fait combien d'années? 2 ans maintenant? Bientôt 3 ans. 3 ans. Bientôt 3 ans. T'es super content de... Ah ouais, super content. Je suis super content de faire un truc sur Mademoiselle Kiki et les Montparnasse. C'est un très très beau projet qu'on a rencontré dès la création des Trois Ours. Ça fait un an et demi qu'on est en production. Donc le film est bien avancé, mais il y en a encore jusqu'à la fin de l'année, je pense, pour que le film soit terminé. Donc c'est un projet qui est assez lourd, qui est très ambitieux, sur un personnage magnifique, qui est Kiki de Montparnasse, qui était modèle, puis peintre et chanteuse. Donc c'est tout le Paris des années 20, où on y croise des tas de peintres. Pour moi, c'est un petit bonheur, ce film. À chaque fois que je vais à Montparnasse, à Angoulême, et que je vois le film s'avancer, c'est vrai que c'est toujours un moment de bonheur, parce que ça se passe bien, que c'est très beau. Et voilà, je vous engage à découvrir ça. Je peux dire un petit mot? Alors vite, parce qu'après il y a une émission, super rapide. Il y a une exposition sur le film, avec une rencontre avec la réalisatrice, les trois ours et tout ça, à Bressuire, qui est pas loin de Cholet, de l'abbaye de Fontevraud, enfin dans ce coin-là, et avec une inauguration le vendredi 11 mars au soir. Voilà, je vous engage à y aller. Après ça, l'exposition va tourner dans toute la région, et vous allez voir, il y a des choses très très belles. Génial. Sinon, il y a le site des Trois Ours, n'hésitez pas. Et on entendra parler de Marine. Oui, oui. Ah, bon, mais on se fait engueuler en direct. Donc, merci beaucoup à la Tribune Latina de sa patience et de sa gentillesse. Et dans un mois, avec peut-être un peu plus de temps, en espérant qu'évidemment ça déborde pas de l'autre côté non plus. Merci, on est très cool. Et vous étiez Bulle de Rêve. Salut.